Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. Et ben on se retrouve encore une fois pour cette fois pour débriefer la fin des essais hivernaux qui a eu lieu la semaine dernière et puis présenter un petit peu cette saison 2026 puisque on y est. La pré-saison est terminée, les équipes sont en train de se préparer à leur départ pour l'Australie et ce sera une petite dizaine de jours on va dire l'arrivée à Melbourne et puis la préparation du premier Grand Prix de la saison, premier Grand Prix d'une toute nouvelle réglementation aussi, donc forcément on est un petit peu impatient, on est un petit peu curieux, on est un petit peu perdu aussi en termes de force en présence, donc voilà, c'est le moment, on s'est dit, de faire un petit à la fois le bilan, parce qu'on savait qu'on a fait, on s'était vu en émission pour la première semaine de Bahreïn, il y a eu la deuxième depuis, et à la fois faire une présentation. Donc on est deux ce soir pour le faire. Il y a Franck avec moi, ça va Franck? Salut tout le monde, bah écoute, ouais, ça va très bien. Bonsoir Manu, bonsoir le chat. Ça y est, les dés sont lancés. Ils ne sont pas encore arrêtés. Ils s'arrêteront dans un peu moins de 15 jours maintenant sur du 1 ou sur du 6, ça va dépendre des équipes. Bon, il y en a certaines, on peut déjà dire que ça va être du 1. d'autres, ça va être entre 4, 5, 6. Mais voilà, voilà ce qu'on peut dire à peu près pour faire une sorte de petite comparaison sympathique. Exactement, et comme le dit Xoans, on est moins perdu que Aston. Hein. C'est vrai qu'on y reviendra évidemment. Mais puisque. Non, c'est défaitiste. Puisque Aston Martin a vécu un hiver un peu difficile, si on veut faire un petit euphémisme. Merci à Ronnie qui s'est abonné, c'est le cinquième mois d'abonnement. Merci à toi pour le soutien sur la chaîne. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'expectative, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle saison, nouvelle réglementation, puisque évidemment on a des voitures qui ont qui se présentent un défi un petit peu compliqué techniquement. Hein. C'est vrai que les pilotes ont fait des milliers de kilomètres, mais on ne sait pas encore ce que ça donnera en termes de dépassement, en termes d'exploitation des voitures. Il y a un peu d'inquiétude sur les départs, un peu d'inquiétude sur le déploiement de l'énergie, donc et à la fois beaucoup de curiosité quand même, enfin, en tout cas de notre part, parce que c'est vrai qu'à force de voir la voiture rouler, il y a plus du tout d'inquiétude sur les départs, hein, je te le dis tout de suite. Oui, on va y revenir, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins inquiets que d'autres sur les départs effectivement, mais non, les départs c'est le plus, le problème a été réglé heureusement, on y reviendra aussi également un peu plus tard, mais voilà, c'est la saison de tous les changements. Ça a été clairement dit que par toutes les équipes, qu'en fait c'était le plus gros changement réglementaire de l'histoire de la F1, un peu de choses près. C'est vrai que gros changement moteur, nouveau châssis, nouveau pneu, nouvel aéro, enfin, tout est remis à zéro. Alors avant d'attaquer un petit peu le bilan et perspective par équipe, toi Franck, déjà, est-ce que avec ces trois semaines d'essai, tu as des réponses à tes questions sur la réglementation? Est-ce que tu as des interrogations, des craintes ou plutôt des choses qui t'ont rassuré pendant ces 11 journées d'essai? C'est vaste. Oui. Comme question. Alors, on va des craintes, oui, forcément. On a tous peur de voir des courses à l'énergie où finalement toutes les équipes arrivent à trop vite converger vers des solutions uniques qui font qu'on aura toujours des processions. Ça, c'est ma crainte numéro un. Mais j'y crois pas. En tout cas, pas au début de saison. Je pense qu'il y a encore pas mal d'apprentissage à faire à ce niveau-là. C'est un peu compliqué comme question parce qu'elle est tellement vaste. Là où j'étais un petit peu rassuré, c'était quand même sur les performances globales de F1. On arrive quand même sur un chrono de Charles Leclerc qui est à grosso modo 2 secondes du temps de la pole de l'an dernier. Et ça veut dire un niveau de performance qui est déjà similaire à celui des F1 de 2022. Donc c'est quand même pas rien. Je veux dire, on pouvait s'attendre à pire avec plus d'électricité. Moins de gomme, moins d'appui. Alors après, tout va dépendre des circuits, hein, clairement aussi, parce que Bahreïn est un circuit qu'on va en parler, qui favorisait un petit peu plus peut-être la régénération, la récupération d'énergie que d'autres, notamment Melbourne. Hein. Melbourne, ça va vraiment être un premier gros test pour la F1. Là, ça peut être, ça passe ou ça casse, mais honnêtement, en 3 séances d'essai de 3 jours chacune, hein, parce qu'en fait, chaque équipe ne peut rouler que 3 jours, même Barcelone, donc en 9 jours d'essai, elles ont toutes énormément appris. Donc, je veux dire, la courbe de progression, elle a été énorme. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi la F1 a fait autant d'essais cette année. Et là, avec toutes les données qu'ils ont récoltées sur notamment Bahreïn 1 et Bahreïn 2, ça va vraiment être tout ça infusé dans les simulateurs. Ils vont vraiment pouvoir optimiser les logiciels, les cartographies, les stratégies à utiliser. Honnêtement, je suis pas très inquiet en termes de performance, en termes de spectacle, de ce qu'on pourra voir en piste sur CF1. Si une Formule 1 passe 10 ou 15 km moins vite qu'avant, je pense que ça ne sert absolument pas. Par contre, là, ce qu'on voit, par contre, c'est vraiment qu'elles sont vraiment comme des fusées en ligne droite. Ça, oui, ça se voit clairement. C'est très, très impressionnant. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux rouler à 350 sur une ligne droite et stagner un petit peu sur les autres, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de temporiser sur tout le long du tour à rouler à 320, 330 au maximum et garder d'énergie pour le reste? Voilà, c'est toujours la question un peu délicate qui sera fascinante à trancher, je pense. Donc non, pas de crainte très particulière. J'en avais peut-être plus après Bahreïn 1, en voyant des écarts assez importants entre les équipes. Quand on a fait la compilation des temps de Bahreïn, on voit quand même que ça se tient en 2-3 secondes, grosso modo, ce qui n'est pas énorme, hein, pour un début de réglementation. Surtout que dans les 2-3 secondes, on compte aussi Cadillac. Et ça, on en reparlera, mais pour moi, c'est comme la bonne surprise de ces essais. Aston, c'est encore dur, hein. On en parlait aussi, mais Aston, c'est encore un peu dur à juger en termes de performance pure, mais bon, c'est clair que pour l'instant, c'était pas leur priorité. Mais non, voilà, c'est quand même bien, c'est la Formule 1, c'est toujours un peu polémique, il faut toujours qu'il y ait des controverses. Ça a toujours été un sport comme ça, en fait, hein. C'est un peu ça qui fait que vous avez plus d'une dizaine de news par jour, 365 jours par an, quoi. On fait pas du curling, quoi. Voilà, c'est bon. Il y a Alors, des j'ai sujets découvert que le complètement. curling, c'est très, il y a pas mal de suspense quand même. Oui, ah non, je dis pas qu'il n'y a pas de suspense, je dis juste que les critiques sur le sport, Ah, les critiques évidemment. des uns des autres, voilà, les paris, les supputations, les rumeurs, c'est vraiment assez spécifique à la Formule 1. Je pense qu'il y a quasiment que le foot qui peut drainer autant de news extra sportives, hein, en dehors de la compétition en elle-même, qui fait qu'on a tellement de choses à dire, et à juste titre. Non, pour moi c'est bien, on repart sur un nouveau schéma qui plaît ou qui ne plaît pas. Et maintenant il va falloir attendre sur pièce, enfin, il va falloir attendre de juger sur pièce ce que cette nouvelle F1 vaut, quoi. Sans pouvoir non plus voilà, tout de suite la classer en termes de bullshit ou de super F1, hein. Ça peut aller dans les deux sens, hein. On peut avoir un truc de malade mental à Melbourne comme un truc hyper décevant. C'est ça. C'est vrai qu'on sait pas encore trop à quoi s'attendre. Peut-être que si on aura des très bonnes courses à certains endroits, les circuits seront moins bien. On sait que ça évolue beaucoup selon les réglementations. Xoan se demande, il y a eu combien de progression en temps entre la première et la dernière année de la réglementation précédente? C'est en moyenne entre 3 et 4 secondes selon les circuits. Donc on peut imaginer que ces F1-là seront les plus rapides de l'histoire une fois qu'on arrivera avec une réglementation qui sera optimisée. Mais oui, effectivement, ça va déjà. J'ai été assez surpris que ça aille aussi vite, hein, parce que c'est vrai que, alors bon, les voitures sont très rapides, mais quand même, de là à les exploiter déjà aussi vite, c'est assez impressionnant. On n'est pas trop étonné non plus, parce que les équipes ont fait énormément de roulage, hein. Il y a trois équipes qui ont dépassé les 6 000 km parcourus, quand même, on y reviendra, mais c'est énorme pour une nouvelle réglementation. Warius Zero demande, dans les 2-3 secondes, vous comptez aussi Aston ou eux sont hors classement? Non, non, ils sont pas non plus. C'est difficile à juger, mais ils seront pas à 10 secondes, hein. Ils seront pas au 107%, mais c'est vrai que le problème d'Aston, malgré tout, au-delà de la performance, ça reste quand même plus sa fiabilité pour l'instant. Fiabilité et récupération d'énergie aussi, parce que si on en croit ce qu'a dit Newey à ses équipes, c'est qu'ils sont même pas capables de récupérer le maximum de 350 kWh sur les phases de récupération d'énergie. Ils sont limités, ils sont même pas aux 250 kWh minimum réglementaire, Ce qui veut dire effectivement que si on en injecte beaucoup trop dans le Honda en version récupération d'énergie, ben, il y a un truc qui lâche ou il y a un truc qui surchauffe, on ne sait pas encore pourquoi, mais pour l'instant, et ça c'est hyper handicapant, parce que si vous avez 100 kW de moins en recharge par rapport à tous les autres, surtout les freinages ou lift and coast, je ne sais quoi, vous êtes effectivement largué derrière, quoi. De la Rosa parle bien de secondes au pluriel en termes d'écart. Voilà. Et puis quand Lance Stroll dit 4 secondes et demie, tout le monde riait au nez. Finalement, il avait déjà rapidement Ouais. cerné le bon écart, hein. Mais parce que Lance Stroll est un excellent pilote qui a un très bon feeling avec sa voiture. Ce que dit Aston en interne d'ailleurs. Oui. Guigui demande, est-ce que vous voyez Aston présent à Melbourne? Évidemment, déjà, un, ils y sont obligés par leur inscription au championnat du monde. Et deux, ils ont besoin de rouler, quoi qu'il arrive, il va falloir être présent, rouler, rouler, rouler au maximum. Oui, je vois pas pourquoi ils n'iraient pas, évidemment. Donc, non, et puis de toute façon, ils ont, voilà, maintenant les accords Concorde font qu'une équipe s'engage à aligner deux voitures pendant 24 courses par an. Donc, il n'y a pas. Voilà. Après, il peut Pas. y avoir des impératifs techniques, voilà, la logistique, ou chose qui pourrait Mais ça, faire c'est. que. Mais ça, c'était. Voilà, mais dans une F1, vous n'avez pas d'essai privé possible à côté. ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller, quoi. Donc, quand on voit le retard pris par les équipes qui n'ont pas roulé, on passe à Williams et Aston, c'est important évidemment de rouler au maximum, et surtout Aston là, qui est quand même déjà à 3 fois moins de roulage que Mercedes notamment. Ils sont déjà, et là ils sont totalement, c'est pour eux c'est dramatique chaque kilomètre qui n'est pas parcouru. Par contre, je pense qu'ils risquent vraiment de prendre tout le Grand Prix pour une séance d'essai grandeur nature. À mon avis, même peut-être 2 ou 3 Grands Prix au début de saison. Je pense surtout pensant en plus qu'il y a un sprint dès la Chine, le deuxième Grand Prix. C'est ce que j'allais dire, c'est terrible. Franchement, pour eux, c'est pire que notre scénario possible. C'est terrible pas que pour eux, parce que d'autres aussi sont... Voilà, mais pour eux particulièrement, ouais, c'est sûr. Ouais. On y reviendra aussi. C'est vrai que le sprint, ça inquiète un peu les équipes, hein, d'avoir un sprint si tôt dans la saison. Puisque ce sera au Grand Prix de Chine qui est le Grand Prix la semaine après le Grand Prix d'Australie. Bon, on va commencer un petit peu à parler des équipes, parce que c'est vrai que il y a quand même des bilans à tirer de cet hiver. Alors j'ai fait un bilan surtout kilométré, parce que c'est le plus c'est le plus parlant, on va dire, en termes d'expérience acquise. C'est Mercedes qui a fait le plus de roulage avec 6202 km au total, l'équipe. Donc il y a eu 3523 km pour Russell et 2679 pour Antonelli, qui a eu quand même quelques soucis de plus. Et le moteur Mercedes lui-même a fait 21 544 km pendant ces 3 semaines d'essai. Franck, tour d'azur. Ouais, je pense qu'on est sur des données que personne n'avait. Alors, autant ils avaient peur qu'il n'y en ait pas assez, autant là on peut saluer la fiabilité du moteur Mercedes. Et globalement la W17, même s'il y a eu quelques petits soucis en deuxième semaine notamment. Oui, c'est une fiabilité mais qui n'est pas à 100% non plus. Hein. On a quand même vu quelques petits couacs. Des petites, voilà, bah notamment pour Antonelli, hein, c'est quand même plutôt lui qui en a souffert que Russell, mais il y a quand même eu quelques arrêts de plusieurs heures en piste liés à l'unité de puissance. En général, pas trop grave, je crois pas qu'ils aient passé un moteur vraiment, c'est peut-être plutôt périphérique ou accessoire. On n'a jamais vraiment eu les détails non plus clairement de ce qui s'est passé. Souvent liés parfois peut-être au refroidissement, au genre de choses, mais sinon, oui, effectivement, le moteur en lui-même. Ça semblait plutôt fiable, la batterie aussi, le turbo, voilà, tout ce qui est un peu nouveau. Le moteur V6 en lui-même, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est un V6, un I6 qui sort entre 450 et 500 chevaux avec un gros turbo, c'est pas un exploit aujourd'hui, hein, de nos jours. Mmh. Vous pouvez faire ça sur une voiture de série assez facilement. Le fait, par contre, de le tenir 5000 km, bon, voilà, c'est peut-être ça qui est peut-être le plus difficile, mais avec les technologies qu'ils ont, ça se passe plutôt bien. Et donc ouais, effectivement, ils ont une super préparation clairement, et puis des chronos qui sont pas mauvais. Bon, moi je crois que c'est, voilà, Antonelli était deuxième temps global et Russell sixième temps global. C'était bon, quand même presque à une seconde quand même de la Ferrari et de Leclerc. On y reviendra rapidement, mais je suis pas certain qu'ils aient cherché le chrono dans les mêmes conditions. Même si chez Mercedes, on a confirmé pour Antonelli qu'il avait roulé dans des conditions proches des qualifications. Alors proche, ça veut tout dire et rien dire. Voilà, ça veut dire, est-ce qu'il y avait 20 kilos, 30 kilos dans la voiture, attaque maximum, ou au contraire, il y avait très peu d'essence, mais l'attaque n'était pas maximum. Voilà, il y avait tellement de façons de biaiser un chrono, ou en tout cas de rouler, pouvoir estimer après derrière le vrai temps, qui fait qu'ils ont certainement une idée globale du temps qu'ils auraient pu signer en y allant vraiment à fond. Mais bon, donc ça veut dire quand même le 1.32.8 qu'a signé Antonelli, il n'était pas ridicule en tout cas pour eux. Ce qui met un peu plus en relief encore le 1.31.9 de Leclerc, mais on va dire que voilà, Mercedes, qui était donnée favorite quand même de ce championnat 2026 depuis de très très longs mois, pour pas dire des années quasiment, heureusement pour elle, semble le confirmer, hein. Donc c'est quand même quelque chose de, on va dire, de rassurant. Maintenant, ça ne reste que des essais, mais bon, on le dit toujours, hein, comme ça, ça n'est que des essais, ça fait 15 ans qu'on le dit, puis finalement les essais sont quand même assez représentatifs de ce qu'on voit quand même en début de saison. Hein. Ouais. Donc voilà, on a peut-être pas les cartes à 5 dixièmes près, mais on a les cartes globales, on va dire. C'est ça, hein, dans tous les cas, Mercedes sera dans le groupe de tête, ça paraît sûr. Maintenant, c'est vrai que ça va être particulier au terme de... à chaque circuit, parce qu'effectivement, il y a quand même 4 équipes qui sont un peu détachées du lot. Robin nous demande, est-ce que les équipes clientes de Mercedes avaient une feuille de route à suivre pour ces 3 derniers jours d'essai? Leur propre feuille de route, en fait, il n'y a pas... Oui. L'idée c'est d'avoir le plus de données, donc Mercedes leur dit, bah, faites le plus de kilomètres possible. Après, tout le monde roule différemment, parce que tout dépend des modes de la voiture, des modes de l'opérationnel, des stratégies, etc. Donc en fait, c'est assez... Il est possible quand même que Mercedes teste différentes solutions de récupération d'énergie et de cartographie sur les différents clients pour ensuite faire la bonne compile et la réinjecter pour tout le monde. Est-ce que ça se fait au jour le jour? Est-ce que ça se fait en fin d'essai? Est-ce que ça se fera à Melbourne? Ça, malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux pour le dire, mais quand vous avez quatre équipes pour rouler avec le même moteur, c'est clair qu'il y a tellement à apprendre en testant différents logiciels, différentes agressivités des récupérations d'énergie ou du Suncrust ou du super clipping. On en reviendra aussi sur ces termes un petit peu particuliers. Voilà, évidemment, en termes d'apprentissage, c'est top, c'est 4 fois plus que ce que Audi peut faire. En théorie, c'est 4 fois plus que ce que Honda peut faire. C'est 25% de plus que ce que Ferrari peut faire. C'est 50% de plus, c'est le double, donc c'est 100% de plus que ce que Red Bull peut faire. Donc c'est clair, c'est un avantage absolument non négligeable pour Mercedes sur le début de réglementation. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un avantage. Alors, comme dit Sobret, une étiquette, c'est que des essais, mais il vaut mieux aborder la première course en haut de la feuille des temps et de celle du kilométrage. Et ça, on verra que c'est pas les pilotes Aston et Cadillac qui vont te contredire. donc voilà, c'est vrai que moi, Mercedes, ça m'a donné quand même une belle impression. Ça a beaucoup roulé, mais j'ai été assez surpris finalement de voir qu'ils étaient peut-être plus à la limite en termes de fiabilité parce que. On les a vus vraiment rouler sans problème à Barcelone. Et dès qu'il y a eu un peu plus de chaleur, hein, on avait déjà parlé la semaine dernière, la chaleur a vite mis la W17 un petit peu dans le dur, avec quelques soucis techniques, notamment pour ce pauvre Antonelli qui a eu quelques problèmes. Ils ont eu des super conditions, hein, toutes les équipes ont eu des super conditions pendant les 6 jours d'essai. C'était hyper stable, hein, 23, 25 degrés, 40 degrés sur la piste, franchement. En termes de comparatif possible pour eux, pour les pneus, parce que les pneus aussi sont quand même pas mal changés, on n'a pas trop parlé, parce que c'est moins la priorité, on va dire, en termes de commentaires, mais en termes de travail, c'était quand même un gros défi aussi, les pneus. Et là, pour le coup, effectivement, ils ont eu vraiment des conditions idéales pour tester leur CF1. Donc ça, c'est clair que c'était tout bénef pour les 11 équipes. Ouais, complètement. Royus demande, on ne peut plus changer la cartographie du moteur thermique en cours de course, mais les cartos sont-elles aussi limitées au cours de la saison, ou alors les équipes peuvent-elles en apporter autant qu'elles veulent à chaque circuit et en essayer plusieurs avant d'en fixer une pour le jour J? Alors, pour répondre clairement là-dessus, en fait, quand on parle de cartographie du moteur thermique, oui, clairement, elle modifie. Vous la modifiez peut-être une fois ou deux, peut-être dans l'année. Vous réinjectez la carto, mais effectivement, en cours de course, vous la changez pas. La carto dont on parle vraiment, c'est vraiment la carto de recharge énergétique, pardon. Donc, c'est tout ce qui est lié, à la récupération d'énergie au freinage. À la récupération d'énergie, donc le lift and coast. Bon, du coup, on va développer un petit peu les termes techniques là. Lift and coast, c'est quand, du coup, le pilote arrête d'accélérer, donc avant de freiner, donc quelques dizaines, vingtaines, peut-être 30 mètres avant. Donc en fait, vous êtes un peu de roue libre. Pendant cette phase-là, c'est votre frein moteur qui agit. Le frein moteur, du coup, cherche à régénérer le MGUK. Et il y a ensuite le super clipping. Donc voilà, le troisième élément dont on a un petit peu parlé, qui est un peu le terme nouveau. C'est en fait, le pilote continue à accélérer à fond, sauf que le moteur électrique se met en mode générateur, donc pour recharger la batterie. Donc il s'oppose à la force d'avancement de la voiture. Donc le pilote perd au fur et à mesure de la vitesse en ligne droite, parce que le moteur a très haute vitesse. Entre les frottements de l'air de la traînée aéronique et le moteur électrique qui recharge les batteries, au fur et à mesure, vous perdez de la vitesse. Par contre, ça vous recharge effectivement les batteries. Ça a un coût évidemment en consommation d'essence, donc ça aussi, forcément, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez toujours utiliser. Et là, pour parler de ce super clipping, comme ça on clôt le sujet, il était dans la réglementation noté qu'il devait se limiter à un maximum de 250 kWh. Donc je parle bien en kWh parce qu'il y a les puissances de charge, la puissance théorique, il faut pas confondre les deux. kWh, c'est la puissance que vous pouvez injecter dans la batterie. Donc là, vous pouvez injecter jusqu'à 250 kWh donc en super clipping, c'est-à-dire que donc le pilote à fond au bout de ligne droite, vous renvoyez 250 kWh dans la batterie. Pour ceux qui ont des véhicules électriques, ça doit vous parler. McLaren a testé, donc à la demande de la commission F1, une recharge à 350 kWh. Donc puisqu'en fait la technologie a été, parce qu'on parlait des marges la semaine dernière, mais typiquement le genre de marge que la fédération a laissé donc aux motoristes. Voilà, donc on peut recharger ses batteries jusqu'à 350 kWh en roulant à fond dans les lignes droites. Et d'après McLaren, ça a été un test qui a été très, qui a été très positif, ce qui permettrait en fait d'éviter un peu plus de lift and coast aussi, donc de surprendre un peu plus les pilotes en course notamment pour en différentiel de vitesse. Voilà, donc McLaren pousserait un peu plus pour que le super clipping passe de 250 à 350 kWh. Il y en aurait un petit peu moins du coup de différentiel de vitesse parce qu'il y aurait peut-être moins besoin de faire lift and coast. Ça, je demande encore à voir parce que ça dépendra aussi des circuits. Parce que si le circuit, il y a des consommations de carburant qui sont un petit peu limites. Je vous rappelle qu'on est à 70 kg d'essence cette année au lieu de 110. C'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident à demander à tout le monde. Ouais, c'est clair. Hein. Sobret Educate demande quand un pilote relâche l'accélérateur en bout de ligne droite, la batterie se recharge ou pas forcément. Oui, oui. Ah oui, bah, totalement, tout le temps. Ouais, comme une voiture hybride électrique, c'est pareil. Il faut qu'il ne perde aucun mètre d'énergie. Hein. Dès que ça accélère plus, ça doit recharger. Par exemple, Leclerc, dans son meilleur tour de la quinzaine, il relâchait sur les deux gros freinages du circuit, donc le premier virage et le dernier, il relâchait l'accélérateur à partir du 150 mètres. Donc au premier virage quasiment complètement, on sentait vraiment qu'il y avait une relâche et puis la voiture qui ralentissait énormément. Et le dernier, c'était un petit relâchement, mais il y avait quand même un lift and coast, le fameux lift and coast, à 150 mètres. Donc ça va être assez différent. Et ça va être un des enjeux, trouver les bons points de relâchement justement pour récupérer l'énergie sans trop perdre de vitesse. Ça va être assez tendu. On est du carburant Petronas. Bah, le carburant Petronas, pour l'instant, en tout cas officiellement, il n'est pas homologué encore. Donc ça a été en fait une zone grise de la réglementation qui a permis aux équipes de tester en fait avec un carburant qui n'est pas encore 100% homologué. Alors en fait quand on appelle carburant pas 100% homologué, ça veut dire que tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement de l'essence, c'est-à-dire tous les composés qui rentrent dans l'essence, qui doivent chacun provenir de sources durables en fait, en tout cas, et de sources voilà, qui ont été agréées par une compagnie qui s'appelle Zemo, je crois, si je ne me trompe pas, Zemo ou Zumo, je crois que c'est Zemo. Zemo, voilà, c'est cet organisme-là qui a été choisi par la FIA pour aller valider, certifier que chacune des sources d'approvisionnement des pétroliers soit durable, ce qui en fait du coup, au global, un carburant 100% durable. Donc, pour l'instant, comme toute la chaîne d'approvisionnement n'a pas été certifiée par Zemo pour Petronas, c'est pour ça que le carburant n'est pas 100% homologué. Je crois que c'est le seul maintenant qui ne l'est pas. Mais ça sera évidemment le cas d'ici Melbourne. En tout cas, voilà, Toto Wolff s'était un petit peu emporté parce que nous, on avait bien parlé de carburant non homologué pour l'instant. Certains sites, un peu douteux, sont allés carrément dire carburant illégal. Il y avait absolument rien d'illégal là-dedans. Comme l'histoire de leur taux de compression d'ailleurs, comme ça on va boucler aussi le chapitre sur Mercedes là-dessus. puisque là, du coup, il y a un vote électronique qui doit se tenir sur les 10 jours. Pour savoir ce qu'on va faire pour le voilà, donc avec une, je trouve, un bon compromis qui a été dit aux équipes. Voilà, vous avez jusqu'au 1er août pour si jamais vous décidez de voter contre une nouvelle mesure. Sauf que bah du coup ils sont en train de se rendre compte quand même que c'est pas forcément idéal de faire une mesure que à chaud, ou une mesure à chaud et à froid, parce que quand vous faites une mesure à chaud et à froid, faut compter aussi la dilatation que vous avez à chaud, mais aussi le phénomène inverse que vous avez. Donc quand je dis à froid, c'est la température ambiance, évidemment, donc je crois que c'est 20 ou 25 degrés le test. La proposition qu'a fait la FIA, les constructeurs qui l'ont soutenu, ils sont peut-être plus tellement si sûrs de vouloir voter. Donc c'est assez drôle, c'est assez drôle du coup. Donc, c'était pas mal. Donc voilà, le fait d'avoir une mesure à froid et à chaud, du coup ça les arrangeait pas, parce qu'ils voulaient juste une mesure à chaud, et là du coup effectivement c'est plus la même chose. Donc du coup, je pense que rien ne va changer non plus, et puis les autres équipes vont devoir bosser pour essayer de trouver comment a fait Mercedes, si Mercedes a fait quelque chose pour jouer sur ce taux de compression à chaud. Voilà. Je serais pas étonné comme de voir une mesure à chaud à un moment intervenir dans la réglementation, peut-être en 2027, je pense, ou en 2028, quand la réglementation sera un peu plus mature. Je pense aussi, ouais, à mon avis, ça va être plus comme ça le temps que la FIA fasse ses protocoles comme il faut. Mais ça m'a fait un peu rire, effectivement. De voir les constructeurs les uns après les autres. Oui, on est contre, et au fur et à mesure, dire non, non, mais en fait, ça va aller, vous en faites pas, on va pas porter plainte, on va pas. Et puis au final, on voit bien que ça se tasse, en fait, cette affaire. Hein. Il y a eu beaucoup de bruit au départ, mais au final, c'est un peu ce qu'on disait depuis le début. Hein. Nous, ça fait quelques émissions qu'on en parle en disant on voit pas comment la FIA va pouvoir modifier un truc aussi énorme à si court terme. Et effectivement, effectivement c'est le cas. Donc tant mieux d'un côté, ça évite. Voilà. Après, c'est encore une fois, il y a dépassé la réglementation et il y a joué avec la réglementation. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'a fait Mercedes, c'est jouer avec la réglementation, puisque, encore une fois, c'est, le taux de compression à chaud n'apparaît nulle part dans le règlement. Donc, c'est, voilà, c'est comme ça, et c'est très bien joué de leur part. On va pouvoir passer à Ferrari. Enfin, non, d'ailleurs, j'ai oublié, on passe d'abord à Haas, mais on reparlera de Ferrari après, puisque eux aussi ont joué avec le règlement. Mais effectivement, c'est pas Ferrari qui a été la deuxième équipe la plus productive en piste, puisque c'est Haas. Donc là aussi assez surprenant quand même de voir une équipe client notamment déjà être plus prolifique en piste qu'une équipe constructeur. Et puis on a 6118 km pour Haas au fil de l'hiver. C'est Ocon qui en a fait 3269 et Berman en a fait 2849. Donc là c'est vrai qu'on a dès le départ, dès le premier jour, il y a eu 150 tours pour Ocon à Barcelone le jour de la mise en piste de la voiture officielle, qui était deux jours après un shakedown à Fiorano. Donc ils y sont revenus régulièrement, mais c'est vrai qu'on peut saluer une équipe Haas qui finalement n'a peut-être jamais été aussi prête pour une saison, tellement ils ont été en avance et à l'aise avec tous les défis techniques et logistiques de cette intersaison, Franck. Bah, tout à fait, ils ont vraiment, pour le coup, conçu une monoplace qui semble en plus assez performante, hein, parce qu'ils ils ont l'air dans le milieu de peloton. Donc elle n'est pas ultra conservatrice en termes de solutions déployées pour une première de cette réglementation-là. Après, bon, on rappelle que Haas ne fait pas tout non plus, hein, et repose beaucoup sur les composants de Ferrari. Et je pense qu'effectivement, qu'on l'avait dit aussi déjà sur les deux dernières émissions, sur les dernières émissions concernant les essais, c'est qu'ils ont aussi comme mot d'ordre, je pense, de la part de Ferrari, d'essayer de rouler aussi un maximum. Donc au final, on va en parler assez vite de Ferrari, puisque ouais, ça se tient à 30 et quelques kilomètres près. Hein. Donc c'est voilà, et même Ferrari qui est troisième, ils sont à 120 km de Mercedes. Donc ça reste quand même trois équipes, on va dire, qui pourraient rouler de la même façon. Hein. 120 km, c'est quoi, c'est même pas une trentaine de tours, c'est une vingtaine de tours de Bahreïn. Donc c'est, la différence reste extrêmement extrêmement ténue entre les trois. Donc c'est une équipe qui, je pense, s'est extrêmement bien rassurée sur le fait qu'elle avait une monoplace capable d'atteindre la ligne d'arrivée. Ça, déjà, c'est quand même quelque chose de pas si mal que ça en début de saison. Parce que je pense pas qu'on voit 22 voitures à l'arrivée. Faut penser à s'entraîner à dire 22 voitures et puis 20. Mmh. 22 voitures à la fin du Grand Prix de Melbourne, j'en suis pas certain du tout, du tout. Je mettrai pas 20€ dessus comme moi non plus. Peut-être même qu'on pourrait miser 20€ sur le fait qu'il n'y aura pas 22. Oui. Mais voilà, c'est rassurant. Bon, la voiture a l'air quand même assez conventionnelle. On n'a pas vu de détails techniques particuliers sur cette voiture qui nous a fait dire hurrah, contrairement à d'autres. Même si la Mercedes, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, la Mercedes a bien quand même bien évolué entre les essais et s'est affiné, a fait beaucoup de choses assez sympathiques de ce côté-là. La partie arrière notamment, ouais. Voilà, mais du côté de Haas, évidemment, c'est toujours un petit peu pareil, c'est qu'on forcément, pas dire qu'on manque de budget, parce que le budget, on est au plafond, mais on est au plafond en intégrant tout, le marketing, tout ça, alors que les autres peuvent, voilà, donc sont forcément un peu plus limités en termes de retour. Mais ils ont amené un plancher revu et avec des dérives latérales qui étaient revues aussi dans la manière dont elles se fixaient sur le plancher. Et apparemment, ils ont dit que c'était quand même très positif comme nouveauté. Voilà, donc quelques pièces, mais voilà, ce n'est pas des packages complets. Je pense qu'ils la jouent un petit peu comme chez McLaren. C'est-à-dire qu'ils vont attendre ils ont sorti une première voiture qui était assez aboutie. Ouais. Attendre de voir tout ce qu'ils vont pouvoir en tirer en termes d'enseignement avant de sortir un gros package à un moment ou à un autre. Bon, je pense pas qu'ils attendront Austin cette année pour le sortir. ce serait un peu tard quand même. Mais Miami, s'ils veulent rester chauvin, voilà, aux États-Unis, ça peut être quelque chose de sympa. Même si je pense que les pièces vont quand même arriver quand même plus vite que ça et certainement pas par gros package. À moins qu'une équipe ait vraiment trouvé quelque chose de fondamentalement délicat à maîtriser sur sa voiture, qu'il fallait tout revoir, mais ce qu'on a vu des chronos, des comportements en piste, des retours des pilotes, on n'a pas eu cette impression-là qu'il y a eu un gros loupé. Alors maintenant, attention, on n'a pas vu les F1 sur un tour de qualif à Melbourne. Et encore, j'ai envie de dire que le tour de qualif à Melbourne, il va être particulier parce que comme sur l'énergie, personne ne sait encore vraiment tout gérer correctement. C'est même pas sûr qu'on ait vraiment quelque chose de très très représentatif à Melbourne. Non. En Chine, ce sera peut-être plus le cas, parce qu'en Chine, on a quand même un circuit plus traditionnel avec plus de freinage et ce genre de choses. Donc, la récupération d'énergie, on sera quand même plus représentatif. Mais début de saison va être compliqué, parce qu'un circuit sur deux, il n'y aura pas de gros freinage. Après, il y a Suzuka en 3, Jeddah en 5, et c'est pas des circuits où tu as beaucoup de freinage. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que la Chine, ce sera peut-être un plus gros révélateur des écarts entre les voitures. Oui. Et là, peut-être qu'effectivement, une équipe pourra se dire « Merde, je me suis loupé totalement sur mon aéro, sur d'autres trucs, il faut tout revoir. » Mais bon, c'est pas le sentiment qui prédominait dans les commentaires, en tout cas dans les réactions des pilotes et des équipes sur ces 6 jours d'essai à Bahreïn. Non, c'est ça. Et alors, j'allais dire, ça répond à une question du chat, le meilleur endroit pour faire le premier gros package d'évolution, c'est Bahreïn, puisque c'est la quatrième course de la saison. Donc on est encore au mois d'avril et il y aura quatre courses de fête. Et on reviendra sur un circuit où les voitures ont beaucoup roulé. Donc si ce sera le moment de tester des nouveautés, maintenant la question c'est le timing. Est-ce que ce sera suffisant pour développer, produire et amener en assez grand nombre les pièces pour Bahreïn? Mais si les équipes le peuvent, c'est clairement là où c'est le plus intéressant pour un premier package, alors pas forcément un énorme package, mais au moins une nouvelle évolution aéro de la voiture. C'est ça, exactement. Et en plus, d'ici là, on aura tellement progressé, je pense aussi sur les logiciels de récupération d'énergie, que même les références, on pourra dire, ouais, super, on revient à Bahreïn, on a des références, mais même là, ça risque d'être déjà bien bousculé, parce qu'on voit déjà la progression qu'il y a eu sur 6 jours à Bahreïn. Donc je n'ose même pas imaginer avec 3 ou 4 autres courses dans les pattes, avec autant de données en plus sur des circuits différents, pour alimenter les algorithmes des cartographies. Quoi. Mmh, complètement. On a vu des pilotes As qui étaient globalement très satisfaits de cet hiver. Hein. C'était vraiment des commentaires très positifs, du plaisir au volant, de la productivité. Et puis, alors, ça concerne aussi Ferrari, mais Ferrari, on aura déjà bien assez à dire sur le plan technique. Des départs, Franck, qui sont proprement... Parce qu'on avait parlé donc, la semaine dernière que les moteurs Ferrari étaient plus faciles à mettre en action sans avoir le temps de charge de certains autres moteurs par rapport au turbo. Et en fait, il s'avère que la FIA a mis en place un protocole qui donne 5 secondes à partir du placement de la dernière voiture à toutes les équipes pour que les voitures se mettent en route et que ça lance. Et en fait, on pouvait penser que ça allait un peu pénaliser Ferrari, qui avait une voiture qui était immédiatement bien en place. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la voiture est encore plus prête. Et au final, on a vu des As et des Ferrari. Alors, Cadillac, moins, parce qu'ils n'étaient pas sur tous les essais de départ. Et puis, je pense qu'ils ont d'autres choses à régler aussi. Mais des As et Ferrari qui s'est lancé de manière scandaleuse par rapport aux autres équipes. Non, c'est pas scandaleux. Avec un Ocon qui s'était mis en fonderie, qui a posé la moitié du peloton, Hamilton qui était deux rangs derrière Russell, qui lui est revenu dessus avant le premier virage. Est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que sur F1 TV, ils ont dit ils voient deux autres équipes devant Ferrari. J'y reviendrai au moment des pronostics, mais ils voient pas Ferrari en tête en qualif à Melbourne. Par contre, ils les voient en tête au premier virage. Oui, est-ce que voilà, toi, est-ce que ce toi, qui compte. Voilà, exactement. Est-ce que tu penses vraiment que ça va être un énorme avantage? Et est-ce que tu penses que ce qu'on a vu, cet avantage au départ qu'on a vu pendant les tests de Bahreïn, va se reproduire en course au moins dans les premières courses? Moi, la seule réponse que j'ai envie de te dire, c'est que Frédéric Vasseur s'est absolument pas opposé à ces 5 secondes rajoutées, parce que l'on peut dire non. C'est pourquoi vrai. Pourquoi vous allez me motiver ça alors que, en plus, c'est lui qui avait quand même sonné la, qui avait sonné la... qui avait tiré la sonnette d'alarme, pardon, l'an dernier en disant attention, plus de MGUH, gros turbo, on va devoir mettre du temps à lancer ces turbos. En plus, pas d'assistance électrique pendant jusqu'à 50 km/h, donc c'est-à-dire que vraiment la phase de décollage elle repose uniquement sur le V6 thermique. Donc pour ceux qui avaient loupé l'information, les 50 premiers km/h, ça n'est que le V6 turbo. Il n'y a pas du tout de recharge, de moteur électrique qui intervient. Et donc du coup, oui, on a pu s'attendre à ce que Vasseur dise, mais non, pourquoi vous me rajoutez 5 secondes là sur la procédure de départ? Il n'y a pas de raison, pas de raison particulière. Bon, après, ça peut se comprendre aussi un petit peu, parce que au pire, ils estiment à peu près quand est-ce que la dernière voiture vient se placer sur la grille. Dans les rétroviseurs, ça doit pouvoir se voir, et tout le monde pourrait avoir les 10 secondes nécessaires pour précharger son turbo, on va dire. S'il n'y avait pas eu 5 secondes là, je pense que c'est comme ça que ça serait passé. Donc on aurait eu des moteurs hurlants peut-être pendant 15 ou 20 secondes pour certains. Voilà, avec le dernier qui s'amuse peut-être, j'y vais pas, je me place, je me place pas. ça aurait pu être très marrant. Ah bah oui, maintenant qu'il y ait les 5 secondes obligatoires avant de lancer les feux, Au moins, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, on va dire, en termes de préparatifs du turbo, ce qui a l'air de conduire très très bien à Ferrari, et qui a du coup effectivement un moteur un peu plus compact, enfin pas plus compact mais plus petit, donc qui a du coup est plus facile à charger. Ça a d'autres, c'est un peu forcément un petit inconvénient en termes de puissance pure possible, mais je pense pas que ce soit là-dessus qu'ils aient joué. Et franchement, ouais, c'était absolument impressionnant à voir, quoi. Mais c'est le décollage des As, le décollage des Ferrari, c'était juste magnifique. Enfin, moi qui suis ferrariste, forcément, j'ai envie que ça reste comme ça. Donc voilà, il suffit juste qu'on se qualifie 6-7e, on est très bien. Voilà, on se. Bon, après, je peux vous dire que chaque demi-journée, Franck regardait religieusement les essais de départ. C'est ça. En plus, il y a des vraies procédures de départ. Ouais, c'était cool. Moi aussi, c'est vrai que c'était intéressant de voir la procédure. C'était très bien de voir la FIA, la FOM et les équipes proactives après la réunion de la commission F1, pouvoir tester des choses. Donc il y a eu les essais de départ. Il y a eu effectivement, parce qu'on a parlé de la recharge en super clipping qui a été aussi testée par McLaren. Donc voilà, on sait que là, voilà, c'est plus la F1 d'avant. Il fallait forcément. Il n'y avait rien qui bloquait tout, quoi. Voilà. Là, maintenant, on a aussi des directeurs d'équipe qui sont un petit peu moins tête de con qu'à l'époque, hein, soyons clairs. Ça voilà. Change énormément de choses. C'est ça. Voilà. On n'a plus du Christian Horner, déjà. Déjà. Ça fait déjà un moins. On n'a plus Flavio. Ah non, merde, on l'a encore. Bah, Flavio Breton, il ne comprend rien à course auto. Donc, voilà. Et là, je ne fais que citer les mots de Jean Lézy dans le dernier documentaire de Canal+. Ce qui m'a ravi. J'étais vraiment heureux de voir que même en 1995 ou 96, monsieur Briatore ne comprenait rien à la course auto. Ce monsieur comprend le business, ce monsieur comprend le cash, ce monsieur ne comprend que les actions, les investissements. Voilà. La course auto, c'est pas, ça n'a jamais été son truc. Donc, c'est peut-être une passion chez lui, mais ça n'a jamais été effectivement son domaine de compétence. Exactement. Donc voilà, ça fait du bien aussi de voir. Petit aparté, du coup, cette F1 capable de en quelques jours aussi d'essayer de trouver des solutions, voilà, comme aussi beaucoup des taux de compression des moteurs, les départs et beaucoup de choses qui ont été revues. Donc ça c'est assez cool. C'est vrai qu'Atchoum a raison, hein. Il dit surtout que c'est beaucoup d'ingénieurs maintenant et on voit que c'est des gens très pragmatiques. Du coup, il y a énormément de choses qui sont faites dans l'intérêt commun et dans l'intérêt logique, en fait. Et ça, c'est hyper agréable. C'est l'intérêt du sport. Et ouais, ils ont vu maintenant que la franchise avait tellement gagné, ouais. Chaque équipe a gagné en valeur. Qu'il faut pas du tout qu'on s'amuse à pourrir le sport. Voilà. Parce que le premier qui pourrit le sport et qui c'est une dégringolade pour tout le monde. Donc il n'y a aucun intérêt non plus. Et c'est hyper agréable de voir tout le monde agir dans un but commun, au-delà du fait que déjà les relations sont moins toxiques entre les équipes. Ne serait-ce que sur un début d'année 2020, hein, qui était encore vraiment avec des tensions et tout ça, là je trouve qu'on a vraiment. Il y a des rivalités, mais elles ne sont pas aux dépens du sport et c'est vraiment agréable. Dans le chat, on a Master Steph qui passe pour la première fois, bienvenue à toi, qui dit bonsoir, comptez uniquement là-dessus, donc sur les bons départs, c'est chaud. Alors il ne compte pas que là-dessus, hein, la voiture est bonne chez Ferrari et le moteur est très bon, mais c'est un plus, parce que réussir son départ et être en tête au départ, c'est toujours mieux. Et surtout, même si, bah, par exemple, s'ils savent qu'ils n'ont pas besoin en qualif d'être absolument devant pour ensuite avoir la possibilité de passer devant au départ, bah, c'est toujours plus agréable. Est toujours plus rassurant. Au pire, Ferrari pourrait garder ses grilles aérodynamiques des essais, pour pas que ça puisse passer derrière. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'après, ça peut aussi leur permettre de moins devoir aller chercher le risque de casse au début de saison sur le moteur, en qualif notamment. Donc, c'est pas mal. Les autres vont apprendre aussi, hein, vous inquiétez pas. Bien sûr. Avec les bons départs de Ferrari. Si c'est confirmé, peut-être que ça va durer 2, 3, 4 courses. Au fur et à mesure, ça va se normaliser. Maintenant, si ça ne se normalise pas du tout, c'est qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose de très sympathique en termes de motricité. Et bah, du coup, ça sera chapeau à eux. Hein. Oui. Parce qu'ils ont fait une bonne trouvaille, ils en ont fait une autre peut-être aussi. On parlera après. Mais... On va en parler, oui. Il y a eu plusieurs bonnes trouvailles chez Ferrari, ça a très bien travaillé. Juste une question sur Bright and Delicate qui dit « Je ne précharge pas mon turbo, moi, pourquoi cette nécessité sur une F1 ?» Bah, il n'y a pas la même taille, hein, le turbo. C'est ça. Tu vas voir l'escargot d'un moteur, d'un moteur V6 turbo 1.6 pour sortir 550 chevaux, je peux te dire que c'est du lourd. Hein. En plus, aujourd'hui, nos moteurs, en général, moteur turbo, et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai un moteur biturbo. Voilà, en général, c'est soit c'est deux turbos qui fonctionnent en parallèle, soit c'est un petit turbo qui lance le moteur, enfin qui commence à avoir plus de couple, qui ensuite entraîne aussi le gros turbo pour d'ailleurs pas de rupture de couple. Mais ouais, c'est quand même des beaucoup plus petits, des petits escargots. Après, pour les fans de Fast and Furious, le genre de tuning, effectivement, où vous voyez les gros escargots sortir des capots, voilà, on parle de ce genre de choses-là. Et ça, c'est des moteurs turbo, ben, un peu style années 80, hein, pour ceux qui ont conduit des Youngtimers, voilà, ou d'anciennes voitures, pour les plus âgés d'entre vous. Les moteurs turbo de l'époque, le temps de réponse à l'accélérateur, c'était souvent une demi-seconde, une seconde, et encore, il fallait être assez haut dans les tours. En dessous de 2500, 3000 tours, il n'y avait que dalle. Donc, et on en est un petit peu là. Hein. Y a pas, là, pour le coup, la physique, elle n'a pas trop évolué hein, en 40 ans. C'est, si vous voulez de la puissance avec un tout petit cylindre, il faut un gros turbo. Et un gros turbo, bah, pour l'emmener, si vous n'avez plus l'assistance d'un moteur électrique pour le mettre en rotation, bah, malheureusement, c'est que les gaz d'échappement qui peuvent le faire. Après, vous pourriez dire, oui, mais pourquoi vous ne faites pas plus de gaz d'échappement? Mais plus de gaz d'échappement, c'est plus de consommation. Et plus de consommation, bah, vous allez vous la cramer pour rien pour le reste de la course. Donc, il y a vraiment un équilibre extrêmement délicat à trouver. Tout à fait. Guigui nous demande, est-ce que le XRA a une influence sur cette Ferrari? Bah, il n'a pas eu d'influence, il l'a conçu. Il l'a conçu, oui, bah oui. C'est le directeur technique châssis de Ferrari depuis fin 2024, donc toute la réglementation. Octobre 2024, ouais. Toute la réglementation de travail sur le châssis a été fait, parce qu'on rappelle que le châssis, le travail a commencé qu'en 2025, donc il a totalement travaillé dessus. Hein. C'est son bébé et pour le coup, c'est, bah, on va passer à eux, hein, ça a l'air d'être un bébé plutôt bien né. Oui, parce que Vasseur et Serra ont fait le nouvel an, donc 2024-2025, ensemble, à 23h59. Ils se sont dit bonne année. Et à minuit 1, il lui a remis la copie. Il l'a envoyé dans son bureau. Il est allé bosser. C'est ça. Ah, mais non, c'est non, ça. Il a très très bien bossé, lui, ouais. A priori. Hein. Donc, alors, moi, c'est vrai que. On s'emballe pas, hein. Calme-toi, voilà, Franck. Non, mais moi, je vais prendre la parole un peu parce que je te laisserai ensuite te faire un résumé dithyrambique des essais de Ferrari. Mais. Je suis très content et je suis très content de voir Ferrari particulièrement parce que je l'ai trouvé un peu timoré depuis quelques années innover et être l'équipe qu'on attend d'elle, c'est-à-dire que on a vu deux évolutions techniques particulières sur la voiture au fil de la quinzaine et enfin la deuxième semaine surtout on a vu d'abord une ailette qui a été rajoutée sur la partie arrière autour de enfin sous l'aileron autour de l'échappement en gros. Permettant de possiblement de souffler en fait un peu le diffuseur hein, tout simplement et puis de voilà donc ça redirige le flux d'échappement vers le haut du coup voilà, voilà. Et de donc normalement d'améliorer le grip sur toute la partie arrière un DRS enfin un DRS une aéroactive mais bon c'est un peu comme un DRS qui se retourne intégralement au moment de l'ouverture, c'est-à-dire qu'au lieu de s'ouvrir juste comme ça, il fait un tour quasi complet, donc c'est 270 degrés à peu près, pour aller se mettre à l'envers et bah, au lieu de créer de l'appui, avec comme le font les ailerons de F1, créer plutôt de la portance. Et donc normalement pouvoir à la fois ouvrir en grand l'aileron arrière, donc forcément diminuer la traînée et possiblement faire un petit peu soulager les pneus aussi en ligne droite si vraiment l'effet est aussi bon qu'on peut l'imaginer. Moi je suis très content de voir Ferrari innover, je suis très content de voir la F1 innover, j'adore quand les équipes de F1 testent des choses comme ça, un peu comme la double direction de Mercedes à l'époque ou ce genre de choses, j'adore les paris osés des ingénieurs, que ça marche ou pas d'ailleurs, après ça marche pas, tant pis, mais si ça marche c'est encore mieux. Et effectivement, on a vu, alors ils ont testé ce fameux aileron arrière, parce que bon, l'ailette, elle est restée les 3 jours, donc ça, a priori, c'est une solution qui est déjà validée. Le DRS qui s'ouvre à ce point-là, ça a été testé une matinée, et après, on ne l'a plus revu, mais bon, j'imagine qu'ils ont beaucoup de tests, enfin, d'études de données à faire. Donc voilà, globalement, cette Ferrari semble quand même. Alors déjà, on a un kilométrage qui est de 6081 km pour l'équipe. Leclerc a fait 3354 km, Hamilton en a fait 2727. Leclerc signe le meilleur temps de la semaine à Bahreïn, enfin même de la quinzaine, avec un 1:31.9. Et Hamilton est un peu en retrait, mais il fait quand même une 1:33.4. Sachant que c'est pas lui qui a roulé la dernière journée, donc il n'avait pas forcément le programme le plus incisif. Moi je dirais que tous les voyants sont ouverts hein, globalement. Alors évidemment, on va pas s'emballer, on sait pas ce qui peut se passer, mais. Entre le châssis qui a l'air bien né, le moteur qui est fiable, parce que c'est clairement une fiabilité impressionnante, et Et puis cette ouais la, un peu la confiance affichée, c'est vrai que globalement, je pense Franck qu'on peut dire que l'hiver de Ferrari a été réussi. Ne nous emballons pas. Mais oui, je vais reprendre tes mots sur l'innovation. En tout cas, ça m'a, moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir des choses différentes, voir des choses qui interpellent. Parce qu'en général, c'était plutôt McLaren ou Red Bull qui interpellaient dans le paddock à chaque fois. Là, pour une fois, c'est Ferrari qui interpelle. Donc, c'est quand même assez rare à, pour le signaler. Avec voilà, des solutions techniques voilà, bah, autour de l'échappement. En plus, celle-ci ne sera pas possible à copier avant l'année prochaine, si vraiment c'est quelque chose de sympathique. Oui. À utiliser, puisqu'en fait, il faut vraiment positionner la boîte de vitesse de telle façon à ce qu'on ait assez de déport derrière, parce que l'ailette qui se met derrière l'échappement doit être dans une zone particulière. Enfin, disons, il n'y a qu'une zone particulière qui est possible d'utiliser dans le règlement. Et donc, ça, c'est totalement validé par la FIA, mais les autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont gardé un élément plus compact, donc du coup, voilà, c'est pas possible d'en mettre une là. Et ce fameux DRS qui se retourne, ça effectivement, voilà, ça c'est la grande stupeur. Alors tout départ, tout le monde a cru que c'était une casse du système, enfin que l'actuateur avait cassé. Et du coup, ce qui était déjà arrivé en Formule 1, on a déjà vu ça. Hein. Voilà, donc du coup, l'ailette allait se renverser parce que bah, voilà, elle était plus retenue. Et en fait, ben, en étudiant au fur et à mesure les images qui nous parvenaient au fur et à mesure de la FOM, maintenant c'était totalement conscient. Il n'y a plus d'actuateur au milieu de l'aileron, donc c'est aussi une zone qui se dégage. Voilà, c'est l'ailette est vraiment, elle est en plus, voilà, elle est vraiment actionnée dans chaque endplate, donc dans chaque dérive. Donc en plus, ça fait un double actuateur. Alors peut-être en termes de poids, c'est pas non plus idéal. Ça donne une petite épaisseur aussi aux endplates, voilà, parce que certains ont dit attention. C'est, voilà. Donc là, ils ont testé sur 5 tours, je pense à peu près. Je sais pas si le test, il avait prévu de le faire sur plus de tours que ça. Ouais, parce qu'en trop. Fait, ça a été en fait le problème de ça a été conjoint avec un arrêt d'Hamilton pour un souci qui n'a pas du tout été détaillé. Donc, on ne sait pas pourquoi Hamilton s'est arrêté dans la matinée quand il a testé ce DRS. Mais quand il a repris la piste avant le déjeuner, il l'avait toujours. Donc, on aurait pu penser que c'était juste un test et qu'il s'est pris du temps pour le redémonter pour quelque chose de le plus traditionnel, même pas, ils ont remis quelque chose de traditionnel l'après-midi. Donc je sais pas s'ils n'avaient pas volonté de pas trop le montrer, ou de pas trop le tester, ou alors parce qu'ils avaient déjà vu que ça marchait pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, pour l'instant, on sait pas. Vasseur avait quand même plutôt l'air de dire que si on le voyait, ce serait peut-être plutôt en Chine, peut-être pas forcément à Melbourne. Je pense qu'il y a quand même, je pense qu'on est plus sur l'analyse de données. J'espère que ça va fonctionner parce que moi je serais ravi de voir une innovation comme ça qui fonctionne. Ce serait tellement, tellement génial. Bon, après, même s'ils avaient peut-être vu tous les détournements satiriques du truc en façon tournebroche, façon scroller sur internet, très très drôle. Internet ne déçoit jamais. Hein. C'est, non, je trouve les gens hyper réactifs pour ceux qui ont beaucoup de créas sur l'AF1 et c'est super plaisant parce que moi, je me régale à tomber sur des mèmes, sur des vidéos, sur des. Et même sur l'IA, là, pour le coup, l'IA, je la critique beaucoup, mais sur l'IA générative un peu humoristique, je trouve ça tellement, tellement sympa. Et là, pour le coup, je dis oui. Sauf pour le prix de nos barrettes de RAM, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, j'ai envie que cette innovation fonctionne. Et j'ai envie de croire que c'est une belle innovation. Après, aussi, ils peuvent aussi voir quelle inclinaison donner. C'est peut-être pas 270 degrés qu'il faut faire, peut-être 260, 250, voilà, c'est quelque chose. Mais bon, dans le coup du DRS, j'ai pas envie de citer qu'eux, parce qu'il y a quand même Audi et aussi Alpine qui ont aussi deux approches un peu différentes. Oui. Avec Alpine qui penche vraiment le flap jusqu'en bas. Et ce qu'on avait d'ailleurs souligné lors de la dernière émission, c'est que sur le papier, ça me semblait même encore meilleur que les autres solutions qu'on avait vues. Bon, on n'avait pas encore vu celle de Ferrari, mais. Logiquement, voilà, il y a même plus aucun angle de, voilà, y a même plus aucun angle d'aile qui prend l'air, quoi. Donc ça semblait sur le coup quelque chose de très efficace. Maintenant, voilà, pour le DRS de Ferrari, ben maintenant il faudra juste attendre. Hein. Je pense que le jour où on le reverra, est-ce que ce sera à Melbourne, est-ce que ce sera en Chine, est-ce que ce sera jamais. Si c'est jamais, c'est que voilà, c'est au bout de 5 tours qu'ils se sont rendus compte que c'est pas concluant. Mais bon, j'ai quand même envie de dire que pour avoir développé quelque chose d'aussi complexe en termes d'actuateur, ouais. Ça a dû être quand même bien testé en soufflerie. Oui, je pense qu'ils ont jamais évalué ce truc-là. Et j'ai quand même une assez grande confiance sur le fait qu'on le revoie, mais voilà. Et sinon, bah, comme tu as parlé des performances, bah ouais, qui forcément ont fait plaisir. Maintenant, on s'emballe pas, ça reste des essais hivernaux. Bon, l'an dernier, McLaren a fait des super temps à Bahreïn. En plus, on savait très bien qu'ils avaient retenu leur meilleur tour parce qu'on les voyait ne pas signer le meilleur dernier secteur alors qu'ils pouvaient très, très bien le faire. Et là, il n'y a pas de doute possible sur McLaren. Là, on ne sait pas qui a tourné avec quel mode moteur et quelle charge de carburant. Et vu les progressions qu'il y a eu de plusieurs secondes hein, entre le premier test de Bahreïn et le deuxième. J'ai pas envie de dire, ça y est, on a la référence absolue. Même si le 1.31.9 de Leclerc, on est quand même à 2 secondes de la. Même pas, on est à 2 secondes de la pole, mais à 2 secondes 5, on va peut-être dire, de la référence des essais hivernaux de l'an dernier. Parce que bah, c'est une histoire aussi de timing, hein, question de temps par rapport au jour. Là, on tourne effectivement plutôt en soirée, donc c'est un peu plus frais. Et bah ça fait plaisir. Je peux juste dire que ça fait plaisir. Je peux pas dire c'est gagné, je peux dire c'est plié. Évidemment, non, c'est impossible de dire ça. Mais voilà, tout Internet explose en disant ne donnez pas de faux espoirs, Ferry. Ne donnez pas de faux espoirs. C'est un peu le voilà, c'est un peu le mot d'ordre. Je rejoins tout à fait cette devise. Ne donnez pas de faux espoirs. On a vu même dans le chat, il y avait des fans de Ferrari qui commençaient à dire que c'était peut-être leur année, mais qu'ils veulent pas se Non, non. Ils veulent pas se en dire trop, mais voilà. D'ailleurs, Vasseur a une phrase très intelligente à l'issue des essais hivernaux en disant, moi, Bellebonne, c'est même pas lui le cap, son cap à lui, ça va être le développement sur toute l'année. Et c'est effectivement là-dessus que ça a compté, parce que ce qu'a dit Komatsu aussi. Ouais, il y a des secondes à aller chercher avec ce nouveau. Voilà, on est 2022, 2023, là, on prouvait. Il y a des secondes, 2024, 2025, un peu moins, mais 2022, 2023, on prouvait que. Il y a vraiment des secondes à aller chercher. Donc, si vous êtes effectivement une seconde devant Melbourne, mais qu'au bout de 6 grands prix, vous avez un autre gros package, un autre concurrent qui sort, qui vous en fait gagner une seconde et demie, bah, vous êtes marron. Et ça fera comme Ferrari en 2022. Ça partira très bien. Et après, bah, voilà. Donc, restons calmes. Keep calm. Ça va bien se passer. N'oublions pas que cette année, les voitures ressemblent à quelque chose et que l'an prochain, il y en a 9 qui changeront pour ressembler à une autre qui aura trouvé la bonne solution. Donc. Aussi, c'était un peu le cas en 2023, donc forcément même il y aura si on a quand beaucoup. Même un peu moins de différence quand même entre Ouais, l'esthétique entre les F1 que celle qu'on avait en 2022. Qu'est-ce que c'était bien 2022? Ouais. Mais si, sur les pontons, c'est encore à peu près là qu'on a le plus de différence. Parce que les pontons, c'est une histoire de refroidissement. Les voilà. parties avant sont vraiment très proches les unes des autres, ouais. je trouve. Sinon, voilà, le reste, c'est à peu près pareil. Tout le monde utilise un actuateur central sauf Racing Bull, je crois, pour son aileron avant. C'est ça. Voilà, donc non, on a vu quand je des choses. Je soupçonne Audi de préparer un système à deux activateurs parce que ils ont le museau qui est toujours assez épais, mais ils ont roulé les 2 semaines de Bahreïn avec des caches carbone comme s'ils avaient un activateur sur chaque côté. Donc j'imagine qu'ils veulent essayer de réduire le museau puisque forcément quand on réduit le museau, plus d'air passe dessous et bah, ça aide à donner plus d'appui. Donc après il y a le poids sur l'aileron qui est à régler et puis la perturbation aéro des deux activateurs, mais je pense qu'Audi va peut-être migrer vers une solution. Ouais. À deux activateurs latéraux. Deux questions qui sont intéressantes dans le chat. Slim to show qui demande, pardon, Slim to slow qui demande si le pilote peut choisir s'il s'inverse ou pas. Non, c'est programmé pour faire comme ça. Et l'autre, l'activateur d'Alpine paraît vraiment gros pour faire ce qu'ils font. Alors oui, il est plus gros, c'est normal parce que vu qu'il est baissé vraiment à fond, pouvoir le relever, vous allez devoir être contre l'air. C'est ça. Là, c'est devenir, donc il faut avoir une certaine force pour le remonter. Alors qu'un DRS, quand il se referme dans ce que vous avez connu par le passé, il suffit juste de redonner une petite pichenette, on va dire, vers le bas pour que ce soit l'air qui le replaque dans sa position initiale. Là, il faut vraiment aller le relever, le retirer. Donc, ah oui, je crois que c'est une espèce de double ailette qui s'abaisse, donc j'imagine qu'il y a plus de prise au vent. Aussi, donc il y a quand même plus de force à contrer pour relever le. On continue à appeler ça DRS, je pense que malheureusement. Je pense que le terme va revenir un peu de DRS parce que. Voilà, c'est un peu hypocrite de dire oh, c'est pas un DRS. Bah, les straight mode, les cornering mode finalement. Parce qu'en plus on sait très bien que le DRS finalement ça va pas être ça. Ça va être un bouton overtake. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le terme DRS qui en fait va très bien. C'est parce la F1 qui voulait absolument montrer qu'elle changeait totalement d'air. C'est ça. Mais bon, c'est la com. On va faire de la transition pour tous ceux qui voilà, qui ont pas forcément très bien suivi. Mais quand on dira DRS, ça sera peut-être tout plus en général l'aileron arrière. Voilà. Oui. Sinon on dira aéroactif si c'est pas les trop, deux. Voilà, c'est ouais. ça, voilà. Après, l'avant, de toute façon, c'est globalement les ailettes qui se baissent. Donc, ça, c'est pareil pour tout le monde. Il y a moins de différences de solutions, à part, comme on disait, les activateurs latéraux. Merci à Vio37 qui s'est abonné. Bienvenue sur la chaîne. Et puis, merci à toutes et tous qui arrivent encore, puisqu'on est plus nombreux qu'en démarrant l'émission. Donc, c'est toujours sympa. Effectivement, on est sur cette présentation pour ceux qui arrivent de la saison 2026. Alors, voilà. Ferrari, c'était globalement très, très bien. On va passer à McLaren. Qui a fait 5777 km dans l'hiver. Piastri en a fait 2961, Norris en a fait 2816, malgré des essais de Barcelone où ils avaient vraiment beaucoup moins roulé. Piastri avait fait que 500 km, enfin quasiment 600, par exemple, contre 1200 pour Russell, et Norris en avait fait 750. Donc eux, ils ont vraiment, autant Barcelone, c'est un peu inquiétant sur le roulage, autant là, Bahreïn, sur les deux semaines, ça a beaucoup roulé du côté de McLaren, et ça a roulé plutôt avec fiabilité, à part, je crois qu'il y a eu un souci. Et finalement, le quatrième temps de la semaine pour Piastri. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Hop, j'étais pas sur le bon. Le troisième pour Piastri et le quatrième pour Norris. Donc, avec un centième d'écart entre les deux sur leur meilleur temps chacun. Donc voilà, c'est la lutte interne est déjà de retour. Mais plus sérieusement, surtout que la McLaren, c'est pareil, ça semble globalement positif. Alors là, c'est à moi de pas m'emballer, hein, puisque. Forcément, moi j'ai aussi envie que McLaren soit devant. Il y a moins de choses folles sur la voiture, il n'y a pas de solution radicale ou quelque chose de très flamboyant dessus, mais ça a l'air d'être très bien né quand même. La voiture a l'air bonne, les pilotes s'en sont plutôt bien, ont été plutôt positifs à son sujet. Toi, Franck, qu'est-ce que tu penses? Alors, eux ils ont dit qu'ils seraient plutôt à l'arrière du groupe de tête, donc 3 ou 4ème force. Le dernier pronostic de Andrea Stella, c'était on sera à peu près au niveau de Red Bull, mais derrière Ferrari et Mercedes. Je suis assez d'accord avec cette analyse. J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit retard sur Mercedes et Ferrari, mais qu'ils seront, à mon avis, peut-être un peu devant Red Bull. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après, ils ont les données. On est là pour se mouiller un peu. Ils ont les données, donc est-ce que c'est les vraies données, c'est réel et ils bluffent pas, ou est-ce qu'ils essaient de noyer le poisson et de cacher leur jeu? C'est toujours un petit peu pareil. J'ai envie de dire effectivement qu'ils sont l'air un poil en retard sur Ferrari et Mercedes aussi, je serais assez d'accord là-dessus. Mais je les mettrais quand même assez devant Red Bull, surtout qu'en plus pour le peu de simulation de course aussi qu'on a pu voir, en général les McLaren étaient plus rapides que les Red Bull, et même voire même que les Mercedes et que les Ferrari, parce qu'ils sont quand même un peu plus focalisés sur les longs relais que les autres. Donc j'ai envie de dire qu'ils ont l'air peut-être un peu plus préparés sur les longs relais que les trois autres équipes. Peut-être un peu moins en termes de performance pure, pour l'instant en tout cas. Même si le kilométrage est moins bon sur le papier, hein, il y a comme presque 300 km de moins, je crois, que Ferrari. Ça reste c'est extrêmement solide. Ça reste une McLaren bien née. Voilà, on fait plus les yo-yo des années 2000-2010 où la voiture était super une année et c'était une catastrophe l'année suivante. Je pense qu'ils ont réussi à bien négocier leur changement de réglementation. Voilà, ils sont clairement dans le groupe de tête. Hein. De toute façon, le groupe de tête, d'un avis assez unanime, c'est les quatre top types qui le forment. Hein. Donc, voilà, sans vouloir vous spoiler non plus davantage, je suis désolé pour tous ceux qui s'attendaient à voir Racing Bulls dominer le championnat. Ça ne devrait pas arriver. ceux qui voulaient voir Liam Lawson champion du monde, désolé, ce sera pas cette année, je crois pas encore. Petite déception en Nouvelle-Zélande à l'heure actuelle. Hein. Exactement, là je suis désolé pour ces gens-là, du coup on va perdre 90% de notre audience. non, voilà, on a les 4 qui sont dans un. Et ce qui est bien, les 4 sont. Je dirais peut-être pas un mouchoir, quand même, quelques dixièmes, mais ça sera pas d'une seconde, deux pour une équipe en avant sur les autres, ce sera pas de la domination de la Mercedes de 2014. Et ça, déjà, je crois qu'on peut s'en réjouir. Oui. Parce que c'est un peu la crainte, hein, quand même. C'est de voir effectivement une équipe comme Mercedes, que ce soit Mercedes ou une autre. C'est surtout Mercedes qui était quand même donné comme potentiellement oui. En avance, mais oui, globalement, c'était un peu. Alors peut-être que Mercedes, effectivement, n'a encore rien montré à ce moment-là. On va s'en prendre plein la figure à Melbourne. Et ce serait pas étonnant, ça s'est déjà arrivé dans le passé. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire que McLaren en profiterait aussi, puisqu'ils ont quand même le même moteur. Mais voilà, C'est solide, voilà, solide travail de préparation de McLaren. Leur déclaration, c'est qu'on est troisième ou quatrième. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire sur les relais longs cours, j'ai plutôt l'impression de dire que vous êtes premier ou deuxième. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même un peu plus positif et un peu plus bluff que ce qu'on vient voulu dire les autres. Donc je pense que McLaren est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense également. Également que c'est le cas. On a raté une question de Xoan qui demandait pour les activateurs de l'aileron arrière, ils peuvent pas les mettre derrière ou en dessous. Ben non, puisque les ailerons tiennent dans des espèces de boîtes de dimension et ça ne rentre pas de toute façon. Ça c'est pas fait pour quoi. Donc l'activateur doit être au dessus. Capacité. Si on peut donner une ficelle au pilote. Ah, on se rappelle qu'en 2010, les pilotes bouchaient des trous dans le cockpit. Oui, pour pourquoi pas. ce serait pas la F1 artisanale existe encore et un peu moins qu'avant, mais ça peut exister encore. Harry Ford dit avec la capacité de développement qu'a montré McLaren les dernières années, ils sont capables de très bien figurer rapidement si c'est pas le cas en début de saison, c'est ça. Hein. McLaren a en plus dit qu'eux ils allaient faire exactement comme ils ont fait en 2023, parce que en 2023 faut rappeler qu'ils avaient avec une voiture qui est quasiment une évolution de la 2022 qui avait pas été très très bonne et ouais. Ils sortent un énorme package un peu plus en retard mais pour le mieux le préparer. Et effectivement, c'était la bonne solution, puisqu'en en milieu de saison, ils font un bond en avant dans le classement. Là, on peut imaginer qu'ils vont faire pareil. C'est ce qu'ils ont en tout cas dit qu'ils feraient. Donc, ça bon, va moi. Ça sa place à James Clay, d'ailleurs. James Clay. James Key. Alors, oui, parce que. Alors, attends, juste dans le chat, pour ceux qui connaissent James Key, regardez Manu. Regardez James Key. Vous me dites s'il n'y a pas un truc quand même. Je titille avec ça depuis quelques jours. En plus, on a la barbe qui blanchit exactement de la même façon, lui et moi, donc c'est assez perturbant. Désolé pour ceux qui sont en podcast audio, là, pour le coup. Oui, vous viendrez sur la chaîne Manu. Twitch ou YouTube. Je mettrai Manu en très grand, en top home sur la chaîne auto, je ferai un sondage. Oui ou non, avant nous, le James Clay français. Jacques Clay, comme dit Jacques Clay. Braille, c'est vrai. Ah, il y a un air, bon, voilà. Ah, il y a quelques photos, mais c'est vrai que depuis qu'il s'est... Avant, pas du tout, mais depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe... C'est ça, puis là, on l'a beaucoup vu chez Audi dans le panneau, ouais. Donc si vous avez bien consulté les galeries de photos, ouais, c'est même... voilà, un petit rapprochement, il faudrait juste que Manu se retaille un peu la barbe, mais voilà. Bon, voilà, petit aparté, terminé un petit peu, on blaguait aussi un petit peu, voilà. Sur... Oui. Voilà, mais... on dit quoi, oui bah, non, McLaren, non, non, McLaren est bien, McLaren champion du monde, globalement. Bah, ils le sont en tout cas jusqu'à. Exactement, le numéro 1 est magnifique cette voiture. Jusqu'à la cérémonie de remise des prix de cette année, ils sont encore champions du monde. Hein. C'est ça, et ça c'est okay. Beau. On va passer à Racing Bulls, qui a été une équipe particulièrement productive également, hein, puisque. Alors là, on a un moteur Red Bull Powertrains Ford, donc, qui était un peu le moteur de toutes les interrogations avant le début d'hiver. On avait rapidement vu que la fiabilité était bonne hein, globalement. Un très bon déploiement d'énergie, mais on y reviendra plutôt quand on parlera de Red Bull, puisque c'est l'équipe qui a le plus impressionné à ce niveau-là. Mais en termes de kilométrage total de l'équipe, 5458 sur l'ensemble de l'hiver, on a notamment 2932 km pour Harvey Lindblad, et Lawson a fait 2526 km. Un Lindblad qui a fini sa dernière journée par quasiment 900 km au volant. Plus grand nombre de tours jamais parcouru en une seule journée sur le circuit de Bahreïn. Ouais. C'est tout simplement ça, c'était colossal. Et effectivement, il a fini à 893 km. Hein, donc c'est, moi, je pense qu'il a dû bien dormir les jours qui ont suivi. Ouais, il a fait un petit coin Lille-Nice, je sais pas. C'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Impressionnant. Et globalement, la meilleure fiabilité que chez Red Bull pour Racing Bulls, avec moins de problèmes, alors peut-être moins de performance aussi. Mais ouais, globalement, un Lindblad déjà qui a été solide, hein, clairement, puisque ça, c'est. On fait pas 900 km dans une F1 sans être bien préparé, je pense. Et bon, après, moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette équipe. J'ai pas l'impression. Il me semble un peu. Comment dire pas... Parce qu'on a perdu un élément français, c'est pour ça. Oui, sûrement, sûrement. Non, mais j'ai trouvé assez discret. J'ai pas l'impression que. Enfin, c'est pas très flamboyant, quoi. Et le duo de pilote est assez. C'est vrai que c'est pas un duo de pilote qui nous touche par rapport à l'an dernier. Toi, est-ce que tu as quelque chose qui t'a impressionné chez eux quand même, ou est-ce que tu pas pareil, tu penses que la fiabilité était là, mais les performances risquent d'être un petit peu. Moi, je pense que les performances sont un petit peu limites chez Racing Bulls, notamment sur les relais, les longs relais, c'était pas non plus ouais. Flamboyant. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. J'ai envie de dire que ils sont quand même dans le milieu de peloton, mais pas à l'avant du milieu de peloton. Mmh. Après, voilà, ça reste des essais, c'est toujours pareil. Hein. Mais bon, le moteur Red Bull Ford n'est pas pour l'instant la référence, hein, clairement, de ces essais. On est plutôt comme sur le Ferrari ou le Mercedes en termes de puissance et de déploiement. Mais ce Red Bull Ford qui avait beaucoup étonné en termes de déploiement sur la première série d'essais de Bahreïn et beaucoup moins, voilà, c'est beaucoup moins distingué, je pense, en deuxième semaine avec les cartographies moteurs de Ferrari et Mercedes, que tout le monde l'a noté un petit peu, voilà, que c'était plus aussi, voilà, l'avantage était plus aussi net du côté de Red Bull Ford et du coup du déploiement d'énergie. Et là où Verstappen effectivement utilisait des techniques voilà, de rétrogradage très, très, très agressives pour justement jouer. Certes, il continue à le faire, mais ça ne suffisait plus pour faire la différence. Et chez Red Bull Ford, du coup chez Racing Bulls également, on va aussi devoir composer avec ça. Donc, pour moi, je pense que Racing Bull cette année aura deux rôles, on va dire. On va dire le rôle effectivement de formation de David Lindblad, qui a l'air d'être quand même d'être un pilote solide. Lawson évidemment doit continuer sur sa trajectoire, mais surtout un rôle de prise de données pour Red Bull Ford. Hein. Voilà, c'est clairement ça. Hein. Ils ont que deux équipes avec ce moteur-là. C'est déjà une prouesse incroyable d'avoir monté ce projet à partir de zéro. Hein. C'est vraiment l'équipe pour le coup qui n'avait pas du tout de département moteur. Hein. Mmh. Parce que Audi, on peut en parler, ils ont aussi un nouveau moteur, mais ils partent quand même d'installation à Neuburg où ils ont déjà conçu pas mal de moteurs hybrides dans leur carrière sportive, hein, que ce soit notamment en endurance. Donc voilà, ils avaient quand même les éléments, les ingénieurs, les outils, les ressources pour le faire. Là, on part quand même d'un moteur vraiment conçu de zéro, certes, avec des personnes très expérimentées, avec le meilleur matériel possible, qui doit certainement exister sur la planète. Parce que c'est l'avantage quand vous partez de zéro, c'est que tout ce que vous achetez, c'est forcément ce qu'il y a de plus moderne et de plus, voilà, de plus performant, du coup. Donc c'est très très rassurant, j'ai envie de dire, du côté de Red Bull Ford. C'est très rassurant. Même s'il y a eu quand même quelques petits pépins de fiabilité. Faut pas. Voilà, ça tourne, mais des fois il y a des choses qui viennent gripper la machine. Voilà. Problème de refroidissement, circuit de refroidissement pour Lawson, je crois, à un moment aussi. Il y a aussi un petit pépin pour Adjar aussi sur une fuite hydraulique au remontage. Enfin bref, il y a des petites choses encore. C'est pas aussi. Mais voilà, on n'a pas vu de moteur partir en fumée. C'est ça que j'ai envie de dire. On n'a vu aucun moteur partir en fumée. Mon avis, le moteur s'arrêtait. Ça, on en parlera en fin d'émission. Mais des panaches de fumée, on n'a pas vu. Donc ça, déjà, c'est plutôt rassurant. Donc oui, effectivement, c'est pas une équipe pour laquelle on va s'enthousiasmer cette année. Évidemment, on n'a pas le facteur Isaac Hadjar, c'est normal. Hein. Mm. Je veux dire, moi, pourtant, le premier, je suis quelqu'un de qui veut être objectif, parce qu'on peut être objectif, mais être neutre, c'est toujours différent, mais être objectif, c'est possible. Et évidemment, quand on n'a pas un élément auquel se raccrocher pour pouvoir vivre cette équipe d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est difficile. Moi, par exemple, typiquement, en plus, c'est Xuan qui en a reparlé de la livrée, même si on a beaucoup débattu de livrée la semaine dernière. La livrée, en plus, c'est vraiment pas la plus folle non plus. Alors que Cadillac, par exemple, qui a vraiment marqué par sa livrée, pour le coup, c'est une équipe à laquelle je me raccroche parce que je trouve la voiture terriblement belle. Ouais. Donc voilà, il y a des petits éléments quand même qui peuvent vous faire vibrer, même si. Voilà, Bottas, Perez, c'est pas non plus deux super pilotes que je tiens d'admiration particulière. Je les respecte énormément, mais voilà, j'ai pas d'admiration particulière pour l'un ou pour l'autre. Mais voilà, Cadillac, ils ont su créer ce petit momentum avec leur livret qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus à eux que je pensais le faire. Mmh. Donc voilà, Racing Bulls, bonne équipe de milieu de peloton, certainement encore, mais ce top 5 au championnat, il va difficile à voir pour eux quand même. Oui. Clairement, je pense que ce sera un peu moins bien que l'an dernier. Gaspacheco et Zouane nous parlent de la livrée et potentiellement illégale de Cadillac. On y reviendra pendant le chapitre dédié à l'équipe. Mais oui, en Racing Bulls, je pense que ça sera un petit peu en retrait. Après, le peloton risque quand même d'être dans cette espèce de ventre mou où finalement d'un circuit à l'autre, ils peuvent très bien passer d'être la 8e force à être la 5e force. Donc. Ça risque d'être très serré. C'est déjà ce que les équipes disent, en tout cas dans ce peloton, c'est que il y a 3-4 équipes qui risquent d'être très proches les unes des autres. Et parmi celles-ci, il y a Alpine. Alors je tiens bien à préciser que c'est bien Alpine Mercedes dont on parle. Et non pas l'être. oui, non, c'était juste un petit trait d'esprit pour rappeler qu'ils ont encore plus massacré le programme de Viry-Châtillon, puisqu'ils ont annoncé la fin du programme Hypercar. Donc ça commence à sentir très sérieusement le sapin pour cette malheureusement très belle. Sur Racing Bulls, avant qu'on y aille, on a oublié effectivement de dire que Perman avait révélé que Tsunoda ferait des essais libres cette année. Oui, alors ça j'ai été un peu surpris. Alors moi je bon ouais, Honda doit encore verser ouais. 5 ou 10 millions pour qu'ils roulent un peu. Ils ont pas de choses à foutre de leur fric Honda parce qu'il y a quand même du travail. Hein, et Perman nous dit qu'il sait pas si ça sera dans l'une voiture ou la deuxième voiture. Alors, honnêtement je vois pas Tsunoda aller faire prendre la moindre place à Adjar ou à Verstappen chez Red Bull. Non. S'il doit rouler ça sera chez Racing Bulls. Et voilà, et pour moi ça sera pas plus que ça, ça sera payé par Honda. Et voilà, et effectivement ça veut dire que en termes de... Bon, ils peuvent le mettre dans la voiture de Lawson, parce que Lawson a... Pardon, de Lindblad, parce que Lindblad aura satisfait ses obligations de rookie, parce que c'est un rookie lui-même. Oui. Mais voilà, ça... Voilà, c'est la petite anecdote pour dire que, voilà, bah, quand on... Même quand on est un pilote expérimenté, qu'on paye, on peut avoir des essais libres. Donc voilà, je... C'est, ouais. C'est assez étonnant, moi, je... Donc, Tsunoda va rouler avec un moteur Red Bull Ford, donc... Ah pas, ouais, je vois même pas, en fait, Honda, je vois pas... l'intérêt, parce que du coup ils vont faire rouler un pilote Honda dans une voiture motorisée. Ah si, parce que je pense qu'ils font exprès de mettre un moteur de merde à Alonso cette année pour qu'Alonso se casse. La théorie du complot Formula 2 Engine. C'est ça. Formula 4 Engine, voilà. Et puis on va décevoir Alonso quand en 2015. Il va et partir hop. Et hop, tout arrive. Voilà. Et en même temps, si t'es une équipe, il est pas beau mon plan. Il est pas beau mon plan. Alors ton plan, il est magnifique. Mais si t'es une équipe qui vise les titres mondiaux et que t'as un duo de pilotes Stroll Tsunoda, c'est un peu short quand même. Ça va être annulé. Oui, enfin, c'est vrai que c'est une carte à abattre. Mais pardon. On a vu pour l'instant, c'est pas la bonne carte malgré tout. Bon, c'était la petite blagounette. Ouais. Non, mais en tout cas, il va quand même rouler. C'est vrai que c'est assez fou. On revient à Alpine du coup. Alpine qui a fait 5289 km au total. Gasly en a fait 2835. Colapinto 2455. Donc ça reste globalement pas mal. La fiabilité était bonne. C'est l'équipe qui a le moins roulé parmi les équipes qui ont un moteur Mercedes. Mais on voit qu'en fait, bah, ça roule quand même beaucoup. Hein, quoi qu'il arrive, le moteur Mercedes, c'est un... là-dessus. Quitte à saccager complètement Viry et son département moteur, et honte à eux, hein, encore une fois, bah c'est vrai que c'était la meilleure solution de prendre un moteur Mercedes, forcément, c'est un gage de qualité. Maintenant, c'est pas ça qui fera de miracle, et je pense que Alpine sera un petit peu en retrait. Alors, c'est pas ceux qui ont moins roulé de tout l'hiver, hein, mais c'est en tout cas sur les deux sessions de Bahreïn. Et puis, ouais, je sais pas trop quoi penser de la performance. Ils disent que c'est mieux que l'an dernier, mais en même temps, ben, c'est oui. Pas vraiment un référentiel. Ils avaient un petit peu remonté l'an dernier, c'était pas totalement tout l'an dernier. Ils avaient quand même roulé un petit peu dans le top 10 de son temps. Mais oui, c'est quand même plus solide. Ça fait quand même, c'est quand même la monoplace qui fait Pierre Gasly, qui est quand même derrière le top, les 4 top teams. C'est quand même lui qui fait le meilleur temps derrière eux, donc le 8e temps. Ce qui est pas mal en soi. Ça a quand même roulé un peu plus fort sur la dernière journée. Bon, ça a mis les pneus les plus tendres, hein, les C5 pour faire ce chrono là. Donc c'est aussi à relativiser. Et on sent quand même quoi là. Ça a été chercher un peu la performance, ça a mis les pneus tendres. Ça reste quand même à une seconde et demie de la Ferrari. Donc j'ai envie de dire que oui, ça va pas être une monoplace qui va jouer le championnat. Ça peut être une monoplace qui va jouer les victoires. Et pour les podiums dont rêvait Briatore en 2026 pour commencer la nouvelle ère, je pense que ça peut être encore un peu juste. Par contre, oui, comme tu l'as dit, effectivement, ils ont misé sur le bon moteur pour ben voilà, quitte à sacrifier Viry. Après, ils auraient pu se prendre Ferrari, hein, s'ils voulaient vraiment faire leur Ferrari à la française, au moins ils auraient eu déjà la moitié du chemin parcouru. Pour l'autre petite blague. Ferrari à la française, mais Non, attends, par contre, ils sont un peu montés dans mon estime aujourd'hui, je crois. Ils ont confirmé qu'il y aurait leur futur A110 garderait une partie thermique, un peu hybridée, mais il y aurait un moteur thermique. C'est bien. Est-ce qu'ils prévoient de faire 72 séries spéciales aussi ou... Oh, bah évidemment, il faut bien les vendre derrière. Hein, donc, voilà, mais... Je les ai vus vanter la légèreté d'un SUV de 2 tonnes 2 à partir de là. J'achète pas trop leur com, mais. Non, mais bon, Alpine, je... y a rien qui va, ça m'énerve. On espère pour les ingénieurs qui ont travaillé sur la voiture que ça va fonctionner. On espère pour les pilotes. Mais le directoire de Renault et Briatore, j'ai pas envie de les satisfaire avec des bons résultats, honnêtement. Quand on voit qu'ils arrêtent le programme WEC alors que le programme va très bien, hein, ils ont gagné une course l'an dernier. Voilà. Et encore une fois, c'est Viry qui trinque. Donc, ça va être une reprise. Ça va être une reprise par quelqu'un d'autre, hein, clairement. Je pense que les rumeurs qui entourent Horner, tout ça risque de se concrétiser un petit peu quand même. un rachat. Et j'ai envie de dire, quitte à choisir entre Obrigator et Horner à la tête d'une équipe, j'ai envie de dire, je préfère quand même Horner. Hein. Peut-être que les assistantes moins, mais oui, après. Oui, bon, effectivement. En tant qu'Obrigator, je suis pas sûr. Que... Oublie ce que je viens de dire. C'est comme le mec qui a comme un club privé en Sicile, hein, qui s'appelle le Billionaire Club. Je jure, ça peut être franchement être très. Oui, puis bon, on a des milliers d'apparitions de son nom dans certains dossiers. Exactement. Donc, tendus en ce moment. Ouais. Non, je. À choisir entre deux, celui qui me parle plus de course l'un que l'autre, c'est quand même Horner, hein, clairement. Même si, ben bah, voilà. On rappelle que Horner est comme bon, il n'a pas été condamné, il n'a pas eu de procès, il n'a pas eu quoi que ce soit, donc ça en reste au niveau où c'est resté. Et voilà, on n'a pas parlé de plus grave que ce qu'on peut très souvent entendre aux informations. Donc heureusement déjà pour la personne, même si c'est évidemment pas facile à vivre, mais au moins voilà, ça a été une affaire qui a été classée comme ça par les deux parties. Voilà, voilà, si la personne avait envie d'aller au procès, elle aurait pu le faire. Elle ne l'a pas fait, donc c'est que ça a dû la satisfaire. Et je pense qu'il faut qu'on tourne la page aussi, nous, de notre côté, là-dessus. Et Horner, bah voilà, il a la cinquantaine passée à peu près. On se doute bien qu'il n'en a pas fini. Il a quand même un sacré background de succès avec lui pour pouvoir revenir en F1. Peut-être pas en tant que team principal, parce que je ne le vois pas forcément revenir là-dedans. Mais en tant qu'investisseur, peut-être futur propriétaire. En disant que Alpine garde le naming de l'équipe, par exemple, ça peut être un arrangement qui, à mon avis, mais je trouve que ce serait encore plus une insulte à Alpine, en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si t'es juste un sponsor titre d'une équipe qui s'appelle Enstone Team ou je sais pas quoi. Bah, tu peux en dire pourquoi de Toyota, par exemple. Ouais, bien, mais hein. Toyota, après, ils sont, enfin, je sais pas comment dire, mais ils ont pas été d'abord impliqués en tant que constructeur complet et ensuite se sont désengagés au fur et à mesure, tu vois. Et d'ailleurs, ils se sont assez fait pourrir quand ils sont réellement désengagés de la F1 à l'époque. Et c'est pas la première fois qu'on voit un nom s'imposer en tant que petite équipe. Bah, Steak F1, voilà, qui avait clairement effacé Sauber la première année, quoi. Ça me choquerait pas maintenant. Je sais pas, c'est juste qu'il y a pas vraiment de politique. Il y a tellement de montages différents maintenant pour être présent en F1. Et... Ouais, non, mais après, c'est juste que c'est un constructeur, quoi. C'est en fait. Pour moi, un constructeur, je sais pas. De toute façon, Enstone, ils ont eu tellement de noms, donc. Oui, c'est sûr, mais bon. Après, le groupe. Peut-être qu'un jour, on aura notre propre team aussi. Mais bon. Non, mais c'est vrai que le groupe Renault a quand même été propriétaire d'Enstone entre 2002 et 2011, puis entre 2016 et maintenant, donc on est en droit d'attendre que ce soit une équipe qui inspire vraiment le nom de la marque qu'elle représente. Et moi, je suis désolé, quand on voit où ils en étaient en 2021 avec une équipe Alpine qui fonctionnait, le moteur fonctionnait, la voiture fonctionnait, il y avait un super duo de pilotes, il y avait quand même Ocon et Alonso. Tout fonctionnait bien, il y avait une super identité, on avait relancé le truc. Et non, ça a été déconstruit par des gens qui, encore une fois, ont fait une gestion totalement pourrie. Et moi, je trouve ça complètement, complètement nul. Mais bon, après, j'ai déjà dit des milliers de fois ici, et je redirai à chaque fois, parce que ça m'énerve, en fait, de voir le potentiel que ça aurait et ce que ça aurait pu être s'ils avaient continué sur la même lignée qu'en 2020-21, en fait, c'est-à-dire la lignée Pitbull. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait une équipe Renault-Alpine, surtout qu'apparemment, le moteur 2026 était quand même déjà lancé et plutôt des premiers signes positifs. Donc il y avait de quoi en faire une vraie équipe française qui fonctionne, et c'est dommage de pas voilà. Après, c'est pas, je m'en fous, je suis pas spécialement chauvin, mais ça aurait été sympa d'avoir une belle équipe française avec un moteur français qui et un pilote français en plus au volant qui font des belles choses, quoi. Après, je pense que Alpine aura aussi peut-être des pressions de la part de la F1 pour que céder à un moment ou à un autre aussi son. Ça reste un tout petit constructeur qui ne fait pas grand chose de plus que de mettre un nom derrière, et que quand il y a que 11 places sur la grille et qu'on a maintenant du Ferrari, du Mercedes, du Audi, du McLaren, du Cadillac. Bon, il y a encore Williams qui reste encore un peu indépendante, voilà, mais voilà. Ouais. Et Williams, Cadillac, Red Bull, Racing Bull, mais voilà, ça reste, voilà, même Red Bull, c'est des très grandes entreprises. Oui, bah c'est clair. Et Red Bull, ils ont un passé un historique dans le sport qui est incontestable. Donc, de ce côté-là, voilà, ils mettent vraiment des billes dans le sport. Alpine, ils sont là pour le marketing, quoi. C'est le seul constructeur qui est un peu là pour le marketing pour l'instant et qui à part donner des financements et encore. Ils en donnent de moins en moins, ne fait que tirer du marketing de ça. Ils n'en tirent aucune gloire technique, quoi. Je veux dire, c'est. Contrairement, voilà, il y a jusqu'à 3-4 ans, ou même jusqu'à l'an dernier, quand ils avaient au moins leur propre moteur, quoi. Et là, maintenant, c'est... En fait, ça devient une sorte de ACF intime à la française. Quand tu visais Ferrari à la française, c'est que t'as raté une étape. Sans manquer de respect à AS. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y aura peut-être aussi des pressions de la part de, voilà, des dirigeants de la F1, de la F1 en entier, pour que si Alpine ne fait pas plus que ça, effectivement, que ça cède de l'équipe ou des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose avec un vrai projet derrière. Quoi. Depuis le temps aussi que les gens attendent une écurie chinoise ou asiatique en F1. C'est même Mohamed Ben Sulaym qui l'avait évoqué, donc je serais absolument pas étonné que le consortium que Horner est en train de réunir, il y ait quand même pas mal de fondements peut-être en Asie, donc peut-être même favorisé par Charlem du YouTube, parce qu'il a quand même des attaches là-bas, monsieur Horner. C'est vrai. Donc voilà, et puis faire venir un grand constructeur chinois en F1 qui opérerait depuis une zone, hein. Pourquoi pas, ça c'est toujours fait. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Donc je ne serais pas étonné voilà, qu'il y ait ce genre de pression. D'ailleurs, c'est toi qui as fait l'article cet après-midi en disant que la F1 avait largement de quoi financer une quinzaine d'équipes sur la grille. Bon, évidemment, par contre, en termes de place dans les paddocks, c'est quand même pas la même chose, mais une douzième équipe, si c'est pas Alpine qui devient une équipe asiatique, à terme, hein, je parle pas de maintenant ou dans 2 ans, peut-être que voilà, dans 3 ou 4 ans, ou dans 5 ans, ou à la fin de cette ère-là, Alpine sera plus en F1 et aura cédé sa place à... Mais voilà, ça devient vraiment une bataille de grands constructeurs, quoi. Bah, faut pas oublier qu'à l'époque où ils ont recruté une 11e équipe, il y avait la possibilité de recruter deux d'un coup. Hein. C'était il y a celui qui n'a pas eu de dossier assez solide, mais... Même Toyota qui est obligé de revenir par la petite porte en sponsorisant de manière très large AS, quoi. Oui. C'est clair. Donc voilà, après moi Alpine, bon bah je pense un peu même peloton que Racing Bull. À voir, voilà. Ouais. On va passer à Red Bull. Alors, Red Bull qui n'a fait que, entre guillemets, 5048 km. Verstappen a fait 2846, à Jarre seulement 2203, avec pas mal de soucis comme on l'a dit tout à l'heure. Un moteur qui a été beaucoup beaucoup loué pour son déploiement et une voiture qui que certains ont dit la plus menaçante sur les longs relais. C'est vrai qu'on a vu de très très bonnes performances sur les longs relais, mais étonnamment à partir du moment où tout le monde a commencé à se retourner sur leur moteur, les performances ont été un peu moins bonnes. Alors oui. Est-ce que c'est que tout le monde a accéléré, eux avaient moins de potentiel, ou est-ce que toi tu penses que ça a un petit peu caché son jeu du côté de Milton Keynes? Oh, les deux, j'ai envie de te dire, mais bon, non, clairement, il y a eu du progrès aussi du côté de McLaren et de Ferrari, de Mercedes et de Ferrari, c'est sur le domaine du moteur, pour le coup. Ça avait quand même démarré très très fort, hein. Je pense que chez Red Bull, ils ont dit, il faut pas qu'on attende trop longtemps aussi, donc ils étaient vraiment mis très vite dans le rythme, parce que eux, pour le coup, avec seulement deux équipes, je pense qu'ils n'avaient aucune raison de faire du sandbagging, qu'on appelle ça, hein, c'est-à-dire de volontairement se freiner. Donc pour eux, ça a été très rapidement en action. Hein. Bah, d'ailleurs, dès Barcelone, hein, même si c'était à huis clos, comme on avait quand même les chronos qui sortaient des garages vers les ingés et tout ça, donc on réussissait à récupérer les chronos, on savait que ça roulait fort, mais ça roulait fort très vite, et les autres ont mis un peu plus de temps à monter la cadence. Donc j'ai envie de dire, il y a la perf, il y a quand même une assez bonne fiabilité pour commencer. Maintenant, c'est pas la référence, clairement. Et d'ailleurs, les relais de course qui ont pu être tentés ici et là, donc tout ce qu'on a pu essayer d'en déduire, voilà, ont montré que effectivement Red Bull avait pas forcément reculé, mais que Mercedes, Ferrari et McLaren avaient progressé dans ce domaine. Donc ça va pas être un long fleuve tranquille pour Red Bull, qui sera à mon avis dans le bon peloton, hein, dans le peloton du top 4. Mais voilà, ça va être 3e, 4e, ça va être... Peut-être deuxième sur certains circuits. Après, c'est Verstappen au volant, faut pas l'oublier. Donc, après tout, Verstappen qu'il est, là pour le coup, autant il peut faire la différence sur des freinages, sur des prises de courbes, ce genre de choses. Autant sur, c'est pas lui qui va pédaler pour recharger un peu plus vite le moteur électrique. Donc, là, je veux dire, il a quand même déployé des techniques. Il a montré des astuces de pilotage en termes de déploiement d'énergie et de récupération d'énergie qui sont pas passés inaperçus aussi. Mais bon, ça a été récupéré par d'autres. Hein, donc, voilà, c'est difficile de classer Red Bull pour l'instant, je pense. C'est, Pas tout devant, pas dans le peloton, ça c'est sûr. C'est un peu entre les deux, ce que je dis. Ça a peut-être un poil caché son jeu, mais ça doit quand même bien rouler assez fort pour pouvoir avoir des bonnes références en termes de moteur, parce que eux ils n'ont que deux équipes, donc pour le coup face à Ferrari, surtout face à Mercedes, c'est compliqué. Ouais. Bah, moi je vois aussi à peu près quatrième force. Ça me paraît honnêtement, ce serait déjà super bien hein, quand on a un nouveau moteur comme ça et qu'on est nouveau motoriste en Formule 1. Bon, quatrième force pour le début d'une réglementation, c'est quand même très très bien, surtout sur une équipe qui est en pleine mutation, plein changement, qui a perdu énormément de cadres techniques et qui doit se reconstituer un département développement. Donc, je serais honnêtement, s'ils sont là, c'est très bien et ce serait qu'un bon début. Donc, une question sur Red Bull Ford dans le chat. Les fans de Verstappen, ils sont démoralisés ou ils sont pas là? Ils dorment? Mais ils viennent pas ici parce qu'ils savent qu'on n'aime pas Verstappen. Donc. Oh, tu n'aimes pas Verstappen. Mais non, mais j'ai rien contre lui en plus. J'aime bien. Non, mais en plus, j'aime bien humainement et je trouve que. Rien contre lui, c'est pas le mot rien que j'aurais utilisé. J'ai rien contre lui hors de la voiture. Non, mais. Non, c'est vrai que j'ai trouvé. On sent qu'il est un peu agacé. Passez vos nouvelles voitures, il l'a dit plusieurs fois, oui. Mais je trouve qu'il n'est pas. Paradoxalement, je trouve que ses critiques passent mieux que celles d'Alonso, qui, on sent, ajoute un peu de sel à tout ça, parce qu'il n'est pas très content de sa situation. Et Verstappen, alors peut-être parce que sa situation est meilleure, mais je trouve que Verstappen est beaucoup plus. En fait, il ne rejette pas le problème sur la Formule 1. Et il dit, bah moi, si ça ne me plaît pas, j'irai faire autre chose, et puis j'ai autre chose à faire de ma vie. Et je trouve que c'est de la bonne maturité de sa part de dire voilà, c'est peut-être juste moi ça me plaît pas et ça reste la Formule 1, c'est chouette et j'ai fait ce que j'avais à faire dedans et peut-être que j'ai autre chose à faire. Et je trouve que c'est agréable de voir un pilote qui n'affiche pas un seum démesuré comme certains autres. Donc voilà, c'était mon petit commentaire pour Verstappen. Mais il y a quelques questions déjà. Questions, effectivement. Alors, on va les reprendre depuis le début. Vers qui? Non, ça c'est une question de Laura Dame, évidemment. On sait que tu plaisantes. Harry Ford qui dit « Je sais tout sur Motor Ford », c'est logique. Vas-y, mets-nous les infos dans le chat, on les relaiera alors. Donne-nous tout. Puissance, déploiement, on veut tout savoir. On va t'interviewer. comment vous trouvez Hadjar pour l'instant de ce que vous pouvez en voir? C'est difficile, mais dans tous les cas, comme on l'a toujours dit, pour moi, c'est le meilleur moment hein, pour rejoindre Red Bull et je pense que ça va le faire, comme on dit. Hein, c'est pas. Laurent Mekies l'avait trouvé de l'audit qui avait été très travailleur, alors que c'était très bien passé. Beaucoup de bons retours techniques. Ça a l'air de bien passer aussi en termes de courant entre Verstappen et lui. Donc, pour l'instant, RAS, tout va bien. Ouais, c'est ça. Hein. Là, ça a l'air de bien se passer. Et puis, je pense que Verstappen, il a l'avantage aussi que Verstappen ne le voit pas comme un concurrent. Verstappen, il est. Enfin, c'est qu'on va dire, mais Verstappen est déjà en fin de carrière. De ce qu'on entend de sa part et oui, de ce qu'on entend depuis lui, de lui depuis le début, on sait que Verstappen, il est sur sa fin de carrière. Dans 2-3 ans, à mon avis, il n'est plus là. 3 ans, je pense, maximum. Donc, oui, c'est plus une relation. Il n'y a pas de relation toxique entre les deux. Et encore une fois, c'est le meilleur moment pour Hadjar parce que justement, lui, il va construire un truc. Il est en tout début de carrière. Donc, c'est quand même que sa deuxième saison en Formule 1, il ne faut pas l'oublier. S'il arrive à être dans les 2-3 dixièmes de Verstappen, ce sera top parce que du coup, c'est ce que beaucoup d'équipiers. Alors, sur le long terme, hein, je ne vais pas dire 2-3e, tout en 2-3e sur le long terme, hein, qu'il en est là, ça sera le successeur de Verstappen en tant que numéro 1 chez Red Bull Racing. Si Verstappen, effectivement, comme tu dis, s'arrête après son contrat fin 2028. Donc, après, faut pas oublier que Verstappen il a des clauses de performance aussi, et que si la F1 continue à le titiller et qu'il peut sonder le marché comme il en a envie, il peut aussi très bien, à mon avis, frapper ailleurs. Alors chez Aston Martin, bizarrement, je pense qu'il ira pas tout de suite, mais Mercedes, Ferrari. je ne verrai donc jamais 20 euros. Ah oui, moi je pense que Mercedes c'est possible, Ferrari aussi, hein, parce que c'est vrai que. Ferrari, bon là ça a l'air d'aller, mais si, comme on disait l'an dernier, hein, si ça allait pas, les deux pilotes qui partent, c'est pas exclu non plus. Donc, ouais. Donc, c'est un petit duo Verstappen-Berman. Je devrais plus aller chez Mercedes que chez Ferrari. Moi aussi, mais en même temps, si Ferrari a tellement d'obsédé tous les pilotes que je me dis. Sauf si Hamilton s'arrête, sauf si. Imaginons un huitième titre d'Hamilton cette année. Le pire truc, c'est Leclerc part dans une autre équipe et ils mettent Verstappen avec Hamilton. Alors, on les a vus en plus en très très bonne ambiance en conférence tous les deux. Je sais pas ce que ça donnerait, ça sera assez intéressant à voir. Je pense que au moment de la carrière où chacun en est, Verstappen prendra le dessus. J'ai envie de dire que le 8e titre d'Hamilton, même si c'est Ferrari qui gagne cette année, j'ai bon, plutôt Leclerc s'imposer, mais bon, ça c'était par rapport à l'an dernier. Maintenant, faut voir comment ils s'adaptent tous les deux à cette monoplace. Pour l'instant, Leclerc a l'air de beaucoup aimer, en tout cas. Il prend une... Voilà, donc. Alors, 8e titre d'Hamilton, c'était pas en 2021. Voilà, c'était juste pour citer Abu Dhabi 2021 une nouvelle fois. Ah oui, bah ça, c'est, voilà. Réglementairement parlant, il a son 8e titre après. Ça n'ôte rien, à ce qu'a fait Red Bull et Verstappen cette année-là, évidemment, puisque c'est pas malheureusement entre eux que ça s'est décidé, mais c'est à cause de la FIA. Bref. Exactement. Mathieu nous dit il va chez Ferrari en GT3. Alors oui, c'est vrai que son équipe fait rouler effectivement une 296 GT3. Mais Mercedes AMG aussi. GT3 aussi. Donc, et puis il y avait une Aston l'an dernier. Enfin, selon les championnats, parce qu'ils roulent dans plusieurs championnats GT, ils ont fait rouler différentes marques. Donc, et globalement, on a plusieurs questions sur y a-t-il un monde dans lequel Max Verstappen raccroche sa carrière en Formule 1 dès la fin de saison. J'ai du mal à y croire, malgré tout. Même si ça l'énerve un peu, c'est ce que disait un article qu'on a fait aujourd'hui. Il a beau ne pas aimer tout ça, une fois qu'il sera, c'est Coulthard qui disait ça, une fois qu'il sera derrière le volant et que ça va, que la, il pourra, il sera encore en Formule 1 en train de rouler, ça va le titiller et finalement il va oublier. Il veut soutenir son équipe. En plus. Je pense que le fait qu'il est terminé juste à 2 points du championnat l'an dernier, je pense que c'est quelque chose qu'il a aussi. Il leur est redevable aussi, hein. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui était vraiment pas attendu. Donc, et là, avec quand même un tout nouveau projet Red Bull Ford, s'ils finissent 3e ou 4e du championnat, je veux dire, ça sera largement, pas dire largement mieux que ce qui était espéré, mais ça sera en tout cas dans les très bonnes performances, parce que on peut très bien aussi s'attendre à un moteur Red Bull Ford anémique qui pète à tous les grands prix et tout. S'il n'est pas anémique et qu'il est plutôt fiable, ça reste quand même de très très bonnes bases pour la suite, et ça reste Red Bull, hein. C'est une très très grande équipe. Même si c'est un nom de canette, voilà, pour le commun des mortels, pour nous Red Bull c'est une super grande équipe de Formule 1 avec les meilleurs ingénieurs, parmi les meilleurs ingénieurs de la planète, qui sait faire des super bagnoles depuis beaucoup de temps, voilà, depuis leur reprise de Jaguar. Donc clairement, je pense pas qu'ils soient du genre à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc pas comme ça, pas tout de suite, pas en un an. Peut-être au bout de 2, si vraiment le projet marche vraiment pas, que McLaren, Ferrari et Mercedes prennent leur distance par rapport à Red Bull et que ça s'arrange pas, effectivement, ils pourraient dire bon, voilà. Ou si vraiment ils s'ennuient en course, mais ça reste des Formule 1. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est que je vois pas raccrocher comme ça au bout d'une saison. Sauf si vraiment il y a quelque chose qui tourne vraiment mal, qu'on n'a pas vu du tout pendant les essais, en tout cas. Hein. Voilà. Maintenant, la vérité de la course n'est pas celle des essais, donc. C'est sûr. Guigui nous demande si un jour Max veut faire le Mans, pourrait-il le faire en hypercar, évidemment. C'est ça, il a le statut, hein, donc de toute façon, s'il va au Mans, c'est pour gagner. De la même manière qu'à Alonso à l'époque, qui était en Formule 1, de la même manière qu'un Hülkenberg, ils sont allés directement en catégorie Rennes et ils ont gagné. Donc, même Giovinazzi après. Le Mans est avec Barcelone cette année, je crois, en même temps. Oui, cette année, ce n'est pas possible. Ouais. Est-ce que tu, en jet privé entre la Sarthe et Barcelone, il peut faire des relais T'imagines le défi de fou. Ah, j'adorerais. Putain, ce serait fou. Parce qu'on sait que. Après les qualifs, il retourne au Mans pour faire. On sait que l'an dernier, il a gagné une course de 24 heures sur iRacing en faisant des relais entre la course et entre les qualifs et la course de la F1. Mais là, ouais, ça serait fou. Franchement. Moi, j'applaudirais des trois. Ah, bah là, ouais, non, mais là, moi, je serais comme dingue. ce serait un défi de fou. Ce serait quelque chose, ouais. Ah, oui, c'est vrai que Ford arrive en plus au Mans l'an prochain. Ouais. Ah, oui, dans la légende. Ah, bah là, ouais. Mais bon, après, je pense que ça va être quand même compliqué. Hein. Logistiquement et physiquement. Mais ouais, après, aux États-Unis, il y a des pilotes qui font les Indy 500 et le Coca 600, donc IndyCar et NASCAR le même jour. Bah oui. Avec un voyage en hélico au milieu, donc bon, pourquoi pas. Ben voilà, c'est ce que dit Warius justement. Ce sera encore plus zinzin parce qu'il faudrait revenir ensuite en F1. Ouais. Surtout qu'il faudrait qu'il se tape un relais nocturne du coup au Mans. Ça serait compliqué. Bon, on peut bien remettre un Concorde dans sa veste pour lui, non? Il peut peut-être l'acheter. En vendant son jet. Voilà pour Red Bull en tout cas. Ouais, globalement, moi j'aime bien. L'équipe dégage quand même une meilleure ambiance, aussi une meilleure unité. Ouais. Tout le monde a l'air plus heureux, hein, tout simplement. Depuis qu'Helmut Marko et Christian Horner sont partis, c'était quand même un peu les pères fouettards du truc. Parce que finalement. Faut pas oublier le truc, je pense quand même qu'il va faire les 24 heures du Nord cette année, c'est quand même bien parti. Oui, ça a été décalé la date. Ça pourra déjà être bien sympa à suivre. C'est clair. Et ce serait déjà une belle course à ajouter à son palmarès. Surtout qu'il y a peu de pilotes de F1 qui vont là-bas. Donc, oui. Autant le Mans, c'est vrai que c'est plus souvent, voilà, on les voit plus souvent. Autant les 24 heures du Nord, c'est beaucoup plus. Paradoxalement, c'est moins connu, mais c'est un peu plus niche, mais ça reste quand même vraiment plus spécifique. C'est tellement compliqué en plus. Bah, c'est super compliqué, donc ouais, ouais. C'est clair. Oui, 24 heures de course, Xvans. Tout ça, un brouillard. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ne critiquez pas le Nürburgring. Écoutez, j'ai découvert l'an dernier en vrai, j'ai roulé dessus, j'ai adoré. Donc, je comprends totalement tous ceux qui sont addicts à ce circuit. Donc, et je respecte encore plus grandement ceux qui y courent. Donc, ouais. Ah bah, de toute façon, c'est un défi. C'est un défi unique. On va passer à Audi, qui a fait 4942 km cet hiver. Alors là aussi, hein, on a eu 2640 km pour, enfin 45 km pour Hülkenberg, 2297 km pour Bortoleto. Et ben globalement, c'était plutôt, plutôt très très bien. Ça a été un peu compliqué à Barcelone, peu de roulage, mais alors par contre, on a eu quasiment 2000 km sur les deux semaines de Bahreïn pour Bortoleto. Et Hülkenberg, pareil, qui a fait 2000 km sur les deux semaines de Bahreïn. Donc la voiture fonctionne. Ils ont réussi à faire tomber un peu les temps sur la dernière journée d'essai. Puisque. Pas trop mal le temps, ouais. Ouais, ouais, Hülkenberg était en 1.33.9. Oui. Bortoleto, 1.33.7. Et Bortoleto, 1.33.7. Donc globalement, bah, c'est plutôt, plutôt pas mal, je trouve. Qu'est-ce que t'inspire cette équipe Audi avec ce nouveau défi? Alors, eux, ils disent nouvelle équipe et tout. On sait que la monoplace, ils savaient faire. Hein. L'usine de Neubourg existait et l'usine de Hinwil existait. Maintenant, c'est vrai que tout a été revu et tout a été synchronisé pour faire une vraie équipe de Formule 1. C'est le projet, le nouveau projet qui me faisait le moins de, voilà, qui m'inquiétait le moins, on va dire. Alors beaucoup moins d'arrêts en piste que évidemment à Barcelone ou même au début des essais de Bahreïn. Clairement, voilà, on a pu vécu, il y a eu très peu de drapeaux rouges, hein, je crois, pour des pannes techniques, hein, je crois même pas qu'ils en aient causé, je crois même pas que Audi en ait causé cette semaine, j'ai pas souvenir. Non, je crois pas. Et donc ouais, bah, ça a beaucoup plus roulé. Bah, seule équipe avec le moteur Audi, donc forcément il faut rouler. Et eux ont réussi. Oui. Petit tacle au passage. et voilà. Et le moteur, pareil, on l'a pas vu partir en fumée. On l'a pas vu. Voilà, on a vu s'arrêter. Parce que c'est des arrêts de précaution, ce genre de choses. Voilà, on n'a pas eu de vent d'unité de puissance à remplacer sur le champ, ce genre de choses. Donc, j'ai envie de dire que ça commence plutôt pas trop mal. Alors, on rappelle que Audi, c'est un projet de 2030. C'est elle plane à eux. Voilà, donc c'est pas du 100 courses, c'est du 120 courses pour le coup. Tu vois, il y a un petit peu plus de marge qu'Alpine pour le coup pour réussir. Voilà, non, pas trop inquiet sur le fait qu'ils savaient faire une monoplace. Pas trop inquiet sur le fait qu'ils allaient pouvoir sortir un moteur qui marche pas trop mal. Non, est-ce que ça va être hyper performant au niveau des autres constructeurs de la F1? Non, clairement, on n'est pas encore là. Les vitesses de pointe, d'ailleurs, on atteste un petit peu. C'est un petit peu là que l'Audi, elle manque un peu de panache par rapport au moteur. Mais c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et on a le système d'ADUO, donc qui permettra de rattraper au bout de 6 courses, puis 12, puis 18, voilà, de rattraper les développements par rapport aux autres constructeurs. Motoristes, donc ils vont pouvoir lancer des développements assez rapides. Là, pour eux, pour le coup, le but c'était vraiment d'avoir plus de roulage qu'à Barcelone, et ça a été, je pense, assez réussi dans ce cadre-là. Donc, j'ai envie de dire, mention très encourageante pour Audi. Mmh. Et voilà, on pouvait pas voir Audi en fin de grille, en fond de grille, voilà, pour leur début en F1. Je pense que, même si c'est autant on peut l'accepter de la part de Cadillac, parce que Cadillac c'est vraiment un projet tout neuf, complètement neuf. Autant Audi, sur une base d'une équipe existante, avec le palmarès qu'ils ont en sport auto et les installations qu'ils ont aussi, c'est quand même bien de ne pas les voir. Ils seront dans le peloton, peut-être pas à l'avant du peloton. Je parle du milieu de peloton, évidemment. Oui. Mais ils seront un peu là où se situe Sauber l'an dernier. Quoi. Donc, c'est ça. Au final, ça peut être ça. Et en fait, on n'est pas à l'abri sur les premières courses de voir des équipes marquer quelques bons points. Bah, c'est vrai qu'on se rappelle que Sauber, par exemple, avait pas forcément une voiture très performante, mais Hülkenberg avait fait un top 6 en Australie avec la pluie. Donc ceux qui seront les plus fiables en début de saison vont forcément tirer un peu leur épingle du jeu. Mathieu dit ils ont changé la tronche du Revolut sur les pontons. Alors franchement, ils l'ont changé trois fois en deux semaines. On a eu le Revolut tout droit sans liseré, on a eu le Revolut incliné avec liseré, on a une révolte inclinée sans liseré. Non, tout droit avec liseré. Alors, c'est vrai qu'on s'était un petit peu moqué de, du directeur com, enfin marketing de chez Revolut qui avait critiqué Ferrari et le rouge et bleu de Ferrari et HP. Mais c'est vrai qu'au moins, bah, Ferrari et HP, ça se voit. Voilà, c'est tout. Revolut, ça fait 3 semaines qu'ils cherchent à savoir comment leur marque va pouvoir ressortir sur la voiture. S'ils avaient travaillé un peu avec Audi, ils auraient tout simplement fait les pontons rouges et on aurait mis un beau logo dessus et ça aurait fonctionné. Mais apparemment, personne n'a réfléchi à engager un designer. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Par contre, pour le coup, le livret de l'Audi, c'est vrai que j'en vois beaucoup des critiques, enfin, rappeler les critiques qu'on avait fait. Quand la luminosité baisse, le gris devient beaucoup plus foncé. Ouais. Et je la trouve presque jolie. Mais moi, je trouve qu'il devient un peu trop marron quand il y a la luminosité qui baisse. Ouais, c'est ça, mais je le trouve un peu plus sympa. Voilà. Je vais pas dire que c'est joli, je trouve que c'est plus sympa qu'en pleine lumière quand le gris est très clair. Voilà. Moi, je l'aime bien de trois quarts arrière parce qu'on voit les trois couleurs. Mais bon. Ouais. Mais on voit aussi le logo BP qui est pas forcément très joyeux. Mais ouais. C'est vrai que non, c'est pas. Cette livrée-là, c'est pas. Après, c'est. C'est pas comme ça que. C'est pas. C'est mieux que le vert fluo, on va dire quand même. Hein. C'est mieux que le vert fluo dégradé de l'an dernier, en tout cas. Moi, le 2024, j'aimais beaucoup, mais. Mais bon. On passera sur le débat sur cette voiture. Non, en tout cas, c'est vrai que. Audi, ouais, mais je suis un peu rassuré quand même. Et bon, c'est vrai que, comme on l'avait dit, après, c'est. Voilà, Audi ne vient jamais pour faire figuration. Donc, si la base est bonne, on sait très bien qu'ils vont vite progresser aussi et que. Que ce sera possible de les voir jouer des bonnes positions rapidement. Encore une fois, hein, James Key à la tête du directeur technique, du département technique, c'est quand même pas le moins bon ingénieur en Formule 1. Et puis l'an dernier, on a vu que quand ils amenaient des packages d'évolution, la voiture fonctionnait vraiment mieux derrière. Donc on est en droit d'imaginer qu'Audi va certainement pas stagner, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà pour dire, on va passer à Williams. Alors Williams, bah, c'est bien simple, ça partait avec beaucoup de retard puisqu'ils avaient été absents à Barcelone. Sainz termine avec 2219 km, Albon termine avec 2057 km, donc 4276 km au total pour les deux. Bah, c'est pas mal parce que réussir à dépasser les 4000 km en ayant raté Barcelone, ça fait qu'ils ont roulé quasiment comme les top teams en termes de quantité de roulage sur ces 2 semaines. Donc heureusement, ils limitent la casse, mais... je trouve les déclarations quand même ultra pessimistes chez Williams. Ça manque de performance, on n'est pas où on voudrait être. Il y a du travail et globalement, personne n'a vraiment Alors, on n'a pas encore entendu la mise en lien vraiment avec le fait qu'ils aient sacrifié 2025 pour ça, mais ils ont quand même dit qu'aujourd'hui, ils sont moins optimistes qu'ils l'étaient début 2025. Ce qui est un peu un problème quand quand ils ont passé l'année à dire qu'ils avaient sacrifié 2025 pour se préparer. Qu'est-ce que t'en penses, Franck ? Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a encore un gros gap entre Williams, ses infrastructures, et puis les 4 top teams. Hein. C'est un petit peu ce que Carlos Sainz a dit. Je pense que ça résume tout, en fait. Maintenant, on rappelle, le projet de James Vowles, ça n'a jamais été totalement en 2026. C'est plutôt de monter en puissance en 2026 jusqu'en 2028. Je pense que toute la phase qu'il y a eu avant, effectivement, c'est la phase de mise en place des procédures, de remise à zéro de l'interne, même s'il y a forcément des retards en termes d'outils et de ressources, mais ça, avec les budgets de cap d'investissement qui sont forcément limités, ils savaient très bien que ça prendrait du temps pour se remettre à peu près à niveau. Donc cette partie-là, évidemment, elle prend du temps. Hein. C'est pas comme avant où vous arriviez avec 150 millions, vous refaisiez toute l'usine du sol au plafond, vous changez toutes les machines outils, vous changez tous les ordinateurs, ça, avant, c'est plus possible. Voilà, donc le seul qui a pu faire ça, c'est Cadillac, puisqu'ils étaient une nouvelle équipe. Et encore, ils ont été très malins parce qu'ils l'ont fait avant même d'avoir été acceptés. Donc voilà. Mais voilà, donc il faut faire avec les moyens du bord. Et je crois que Sainz, il a vraiment résumé la situation comme ça. Il a dit, voilà, on voit là qu'il y a toujours un gap entre les 4 meilleurs teams et nous. C'était plus ou moins attendu, mais pas à ce niveau-là. Je pense qu'il était un peu déçu de ça, clairement. Alors après, c'est vrai que Williams a aussi comme 3 jours d'essai en moins que les autres. Honnêtement, je pense pas que ça leur porte beaucoup de préjudice par rapport à ce qu'on a pu voir d'eux à Bahreïn. Peut-être qu'avec 3 jours de mieux, ils auraient fait un poil mieux, mais ils avaient vraiment les acquis, les fondamentaux, les bases du moteur Mercedes qui, heureusement pour eux, fonctionnaient vraiment parfaitement, ce qui leur a permis de vite dérouler leur programme, de vite enchaîner des tours, vite essayer de rattraper un peu ce kilométrage qui leur manquait. Mais voilà, la perf n'est pas là encore, ça c'est clair. C'est sûr que s'ils s'attendaient à être plutôt à l'avant du milieu de peloton, je suis pas certain qu'ils y soient non plus, quoi. Et surtout, même les longs relais, t'es vraiment pas bon non plus, hein, clairement. Mmh. C'était même peut-être plus décevant que les runs un peu rapides. Ouais. Même si les runs rapides sont pas oufissimes non plus. Non, parce qu'ils ont dit qu'ils sur la deuxième semaine, ils s'étaient concentrés un peu plus sur la perf. Ouais, et au final, Sainz a fait 16e temps en 1.34.3, Albon le 18e en 1.34.5. Ouais, si on compare ça à Gasly qui était en 1.33.4, ça fait presque une seconde. Quand même. Et eux, ils étaient en C5, hein. Gasly était en C5 aussi. C'est ça. Mais voilà, il n'y a que Alpine et eux qui ont testé des vrais relais rapides en C5. Quoi. Donc, bon. C'est peut-être la mauvaise surprise pour eux. Quoi. Maintenant, voilà, ça reste que des essais aussi. On ne sait pas quelle quantité de carburant ils avaient dedans. Est-ce que ça bluffe? Est-ce que ça bluffe pas? Je les voyais pas trop bluffer quand même. Hein, parce que... Ouais, j'ai tendance à penser qu'une équipe est absente pour la première semaine, parce qu'elle est pas en train de bluffer. Donc, ouais, c'est compliqué, on va dire. Compliqué pour eux. Ouais, moi, je suis un peu pessimiste et un peu alarmiste pour Williams. Je pense que la saison va être compliquée et je pense que ça va être une des équipes qui va le plus régresser par rapport à 2025, malheureusement. J'ai tendance à penser que ouais, ça va être un peu difficile et que. Et qui seront dans ce ventre mou dont on parlait tout à l'heure, mais finalement, je les vois derrière As, je les vois plutôt derrière, peut-être pas derrière Alpine, mais ouais, je les vois au moins derrière As, ça c'est sûr. Donc ouais, ça va être un peu délicat, je pense. On peut pas dire plus sur eux pour l'instant. Non, bah d'autant que c'est vrai qu'avec leur programme particulièrement réduit, ça a été compliqué de savoir exactement sur quoi ils étaient, mais bon. Malgré tout, il y a quand même quelques signes. Et surtout, moi, c'est vraiment les déclarations où eux qui étaient toujours rassurés, essayaient de dire non, mais ça va bien aller, tout ça, même avant de prendre la piste, c'est tout. Genre, toute la semaine de Barcelone, où ils n'étaient pas là, on voyait des déclarations où ils disaient oui, non, mais on fait ci, on fait ça, on est convaincus de faire le bon choix et d'être machin. Et finalement, convaincus de faire le bon choix, alors ils sont toujours convaincus d'avoir fait le bon choix, mais ben, le fait est que le bon choix, ça leur amène quand même pas des performances de fou et ils disent bien qu'ils sont en retard. Donc, moi, je suis un peu, ouais. Un peu sceptique pour eux. On va entamer l'avant-dernière équipe de ce petit bilan et perspective de l'hiver avec Cadillac. Cadillac qui a fait 3935 km. Alors, il y en a eu au niveau des kilomètres totaux des 3 semaines. Ils sont 19 et 20e en termes de roulage, mais avec 1993 km pour Pérez et 1942 km pour Bottas. Mais compte tenu du fait que c'était une toute nouvelle équipe et que tout est à découvrir chez eux, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'en pense Franck ? Moi, je trouve ça même... Pour moi, c'est presque la bonne surprise. Mmh. Alors certes, le chrono reste à pas mal de secondes des Williams. Oui. De secondes, de dixième, pardon, des Williams. Donc assez loin de... Je crois que c'est plus de 2 secondes de l'Alpine. Moi, ce qui m'a pas rassuré, par contre, c'est les longs relais qui étaient quand même plutôt lents. Et surtout, là où j'étais hyper déçu, c'est que sur les trois dernières journées d'essai, c'était systématiquement l'équipe qui roulait pas tout de suite, qui prenait son temps, alors qui prenait son temps ou qui avait des soucis, on sait pas, mais qui perdait à chaque fois quasiment 3/4 d'heure, 1 heure d'essai, enchaîné ensuite 2-3 heures, certaines demi-heures, ouais, ça, 2-3-4 tours, comme ça, pas plus, et avant de se lancer vraiment. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils testaient, quelque chose en particulier, ou ça peut pas être des... Alors, on sait qu'ils ont eu beaucoup de soucis de capteurs sur la première semaine à Barcelone et encore un petit peu à Bahreïn numéro 1. Mais sur Bahreïn numéro 2, je m'attendais à les voir rouler comme un peu plus, surtout vraiment profiter des 8 heures de roulage, quoi. Alors peut-être qu'ils avaient de bonnes raisons de procéder comme ça, qu'ils ont testé d'autres choses, mais pour moi, je trouve assez inconcevable de ne pas lancer une voiture en piste à au moins à 8 heures le matin. Parce qu'ils ont quand même toute la soirée, toute la nuit, hein, y a pas de couvre-feu. Hein, voilà. Non, non. Donc, faut que la voiture soit prête à 8h et puis vous la faites rouler. Et s'il y a un problème technique, il vaut mieux qu'il se déclare à 8h10 qu'à 9h30. Quoi. Voilà. Ça vous laisse quand même 1h20 de possibilité de récupérer en avance au cas où pour relancer la voiture en fin de journée si jamais le problème est grave. C'est juste, voilà, c'est juste ça, effectivement, que j'ai pas compris. Sinon non. La première impression, quand même, plutôt positive pour une toute nouvelle équipe qui fait. Quasiment tout de A à Z, hein. On rappelle que c'est pas un modèle à la AS, hein. Ils achètent pas les suspensions, tout ça, à Ferrari, ils ne rachètent que le moteur et la boîte. Et tout le reste est fait en interne par Cadillac, donc Donc je trouve que, voilà, pour un bon début, on n'est pas sur une voiture qui va être à 6-7 secondes des temps, clairement. Donc on va être largement dans les 107%. Alors malheureusement, ça me semble un peu léger pour viser autre chose que la 10e ou 11e place. Pour l'instant, cette dernière place, ça va être peu disputé entre deux équipes. Mais au moins, les débuts sont encourageants. Et on vous sent que la monoplace, elle est quand même assez... Elle est très consensuelle, il n'y a pas de, voilà, il y a aucune prise de risque technique là. Donc je pense que quand les premiers packages aéro vont commencer à arriver aussi, tirer un peu des conclusions de tout ça, je pense que ça va progresser un petit peu. Maintenant, voilà, faut, ne vous attendez pas à l'avoir joué un top 10 rapidement cette voiture, clairement. Non. Alors à ce qui paraît, il y aura un gros package aéro dès Melbourne. Hein. J'ai entendu, j'ai lu et entendu qu'il y aurait un package aéro dès Melbourne. Donc il faut espérer que ce sera le cas. Et regardez, nous avons un troisième. Ouais. Un troisième intervenant pour la fin de l'émission. Comment ça va ? Le responsable de la... bonsoir à tous. Effectivement, j'ai entendu que c'est ici qu'on disait du mal d'Aston. Donc, ça m'intéressait. Tu ressembles un peu à Pedro de la Rosa, comme ça. Ça va être ici. Ah ben, entre Manu, qui ressemble à Jacques Clé, et moi, à Pierre de la Rose... Alors, on a plusieurs questions sur la livrée Cadillac, effectivement. Est-ce qu'ils vont pouvoir la garder ? Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Oui, c'est que des rumeurs. On a eu une question tout à l'heure. Est-ce que le règlement interdit les livrées asymétriques ? J'ai relu le règlement, tous les points de décoration, sur la décoration de la voiture, non. J'ai vu à aucun endroit qu'il y avait une obligation à ce que la livrée soit symétrique, donc je ne vois pas pourquoi elle serait interdite. Et on n'a rien vu d'officiel là-dessus, donc j'ai tendance à penser que c'était plus une rumeur qu'autre chose. Et à mon avis, la livrée va être totalement... conservé pour la saison. Rumeur reprise par comme les grands médias allemands, hein, Automotor and Sport, Bild, Sport Bild, que j'ai pas vu par contre sur les sites anglais. J'ai pas vu non plus sur souligné à Canal+, ou toi peut-être soit sur F1 TV, je sais pas si tu en as entendu parler non plus. Non plus. Mais ouais, il y a vraiment que les Allemands qui en ont parlé. Donc, Non, mais c'est une fois qu'ils ont vu que c'était la livrée préférée de nos lecteurs, ils ont abandonné l'action en justice. Exactement, bah, c'est nous qui avons mis la pression, hein, clairement. Pas que de nos lecteurs, hein, sur beaucoup de sites qui ont organisé des sondages de livrée, la Cadillac est vraiment arrivée en première position. Donc. Alors. Là, pour le coup, la FIA, si elle interdit ça, coup dur, quoi. Ouais. Lord Phoenix dit Barr s'était fait aligner là-dessus il y a quelques années. Non, Barr s'était fait aligner sur le fait d'avoir deux voitures de livrées différentes, puisqu'ils avaient présenté une voiture couleur Lucky Strike qui était rouge et blanche et une voiture 555 qui était bleu et doré, enfin bleu et jaune. On leur avait dit, et ça par contre c'est toujours dans le règlement, les équipes de Formule 1 doivent aligner sur les 24 courses de la saison deux voitures à la livrée similaire. Et là, ça c'est toujours. Donc effectivement, si Cadillac avait annoncé une voiture blanche, une voiture noire. Là, c'était interdit, ils auraient sûrement dû faire un truc. Le fait d'avoir une livrée asymétrique, Barr avait roulé toute la saison 99 avec une livrée asymétrique, ça n'avait pas posé problème. Donc pour moi, et d'ailleurs c'est le dernier exemple en date, je crois, j'essaie de me rappeler, mais je ne pense pas qu'on ait eu des livrées asymétriques, hormis le placement des sponsors, mais ça c'est logique, mais en termes de couleur, je ne me rappelle pas qu'on ait eu des livrées asymétriques. Les Américains, ils font très bien, parce que le drapeau américain, il est dans le sens du vent, donc pour le coup, c'est symétrique vraiment des deux côtés. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est leur façon de faire. Après, oui, voilà, en Formule E, la livrée Jaguar, les deux livrées étaient inversées. Et je pense qu'il n'y a rien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai relu le règlement. Et je pense que les gens ont confondu le fait que la barre avait été interdite pour les deux livrées avec le fait qu'elle roulait avec une livrée asymétrique. Mais elle a bien roulé avec cette livrée asymétrique. Barre avait fait ça de manière totalement mauvaise volonté. Ils avaient mis un côté bleu, un côté rouge, une fermeture éclair au milieu. L'aileron avant gris comme la voiture de test, et puis c'était parti. Ce qui était très très bien, très très intelligent en termes de sponsoring. On peut imaginer qu'un jour en Formule 1, on revienne à une possibilité d'avoir une livrée différente par équipe, hein, comme ça se fait en IndyCar, comme ça se fait dans d'autres sports. Donc, NASCAR, les livrées sont différentes d'une course à l'autre, hein, même en IndyCar d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant, moi je serais pas contre, hein, d'avoir on distingue encore mieux les pilotes. Une source de revenus supplémentaire aussi. C'est ça, pour avoir une Alpine bleue, une Alpine rose par exemple. Oui, voilà. Mais faut pas oublier que déjà il y a quelques années, on n'avait pas le droit de changer la livrée des voitures, et puis que finalement, on en est maintenant à des équipes qui ont 5, des fois 4-5 livrées différentes par saison. Donc, on m'a demandé à qui je ressemblais dans le chat. Je dirais Dan Tauris. Je pense que c'est lui à qui je ressemble le plus. C'est rien dit. Pas mal, pas mal. Mais en termes de chevelure, en tout cas, c'est celui à qui je ressemble le plus. Qui est le PDG de Cadillac. Mais non, après, pour moi, c'est... Oui, le mieux, comme dit Xoan, c'est livré à 95% identique avec une couleur différente qui va avec l'identité du pilote, comme en MotoGP à l'époque de Valentino Rossi, où il y avait toujours plus de jaune fluo sur sa moto que sur celle de son équipier, par exemple. Mais. Il y a déjà les casques hein, qui ont été libéralisés. Enfin, un peu plus libéralisés. Oui. Ouais. Mais je ne serais pas étonné que la livrée soit, devienne un petit, petit enjeu marketing. Ah bah c'est des sûr. Petites choses encore à débloquer. Ah bah, oui. Surtout que Cadillac a montré un peu la voie là pour le coup, peut-être que ça a ravivé des idées à d'autres équipes peut-être. Ouais. Mais c'est bien, moi j'aime bien. Enfin, encore une fois, alors, moi, on sait que le problème des livrées, c'est que plus il y a de sponsors, moins il y a de liberté visuelle. Puisqu'effectivement, bah, plus il y a de sponsors, plus il faut les caser sur des endroits où on voit bien le logo. Ah, Revolut mis à part, mais on pense notamment à Williams. Qui, il y a 4 ans de ça, avait une livrée avec une recherche graphique incroyable, même il y a 5 ans, avec plein de choses dessus. Et puis bah, maintenant, c'est devenu, comme on l'a dit la semaine dernière, des aplats de couleurs parce que il y a 15 logos ou 20 logos à mettre dessus. Donc, oui, c'est un bon problème, c'est un bon problème à avoir quand même. Hein. C'est un bon problème à avoir, mais clairement, si Cadillac a pu à ce point-là innover, c'est aussi pas innover. À ce point-là, se différencier des autres, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors. Par rapport à ces. C'est la plus belle livrée de ces années, c'est comme une des même des plus belles livrées de ces dernières années. Hein, si on, de l'ère moderne, ouais, clairement. Elle va marquer celle-là. Oui, je pense, honnêtement. En espérant qu'elle reste, hein, a priori. Encore une fois, réglementairement, il n'y a rien qui s'y oppose. Hein, vraiment, j'ai cherché. Parce que justement, j'ai vu plein de gens reprendre le truc, et bon, encore une fois, chez Barre, le problème était différent. Et j'ai cherché dans le règlement sportif, règlement technique et. Le règlement, enfin l'espèce de code sportif là qu'ils ont, et à aucun moment il y a quelque chose là-dessus, donc je pense que c'est ça va être bon. Alors Xoan se dit, à quand de gros numéros sur le capot arrière? C'était pas obligatoire, ça l'était sur les anciennes voitures, mais je crois que maintenant le shark fin, l'aileron de requin, c'est plutôt pour des questions de sponsoring, donc je suis pas sûr que le numéro soit obligatoire. Il y a pas mal d'équipes qui l'ont pas mis du tout pendant l'hiver, hein, donc je suis pas certain. Il y a des monoplaces sur lesquelles on les voit très bien, d'autres sur lesquelles on voit beaucoup moins bien. Donc, d'ailleurs, gros carton rouge pour Red Bull avec le 3 et le 6 entre les deux, c'est extrêmement difficile. C'est, en même temps, cette police d'écriture, c'était dès le départ sûr que ça allait être nul. Hein. Elle est pas belle en plus, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, c'est. Moi, de toute façon, je n'arrive plus à me les repérer qu'avec la couleur jaune sur la caméra de Hadjar, pour savoir pareil. qui, parce qu'en termes de numérotation, c'est compliqué. Ça aurait été plus simple si Verstappen avait gardé le numéro 1, tu vois, par exemple. ça, c'était hors de question. Rends le numéro 1. Ou 33. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, entre 3 et 6, vu comment c'est écrit, c'est compliqué. Donc, c'est encore la faute de Verstappen, c'est ça, là. Écoute, il y a une tendance. Hein. non, mais c'est vrai que. Globalement. La livrée, du coup, moi, c'est l'Académie des soucis de la 11e et dernière équipe. Oui, alors voilà, j'allais dire, on va y passer. puisque Alex est quand même venu pour ça. Hein. Pierre Delarose est arrivé, donc pour lui lancer des cailloux. Alors, Aston Martin, donc, on a fait un résumé des 6 jours d'essai en termes de temps, enfin de chrono. Donc, ils sont 21e et 22e. Hein, une 35,9 pour Stroll, une 36,5 comme meilleur temps pour Alonso, les deux en pneu C3. Et en termes de roulage, kilométrage total par pilote, Alonso 21e, 1334 km. Lance Stroll 22e, 781 km. Aston Martin, dernière du classement. Donc, en termes de kilométrage total, pour vous rappeler un petit peu un contexte, Mercedes, plus gros kilométrage, 6202. Cadillac, 10e du classement, 3935. Aston Martin, 11e du classement, 2115 km. Donc, on n'est pas loin de la moitié de la 10e équipe en termes de classement. Et je ne parle même pas du côté du moteur, où là, c'est une catastrophe totale, hein, puisque Mercedes fait 21 544 km, Honda en fait 2115, donc 10%. Ouais. Voilà. Donc, concrètement donc, Stroll dit on est à 4 secondes, De La Rosa dit on est à plusieurs secondes, Alonso dit je crois pas, je sais pas, mais ça n'a pas l'air terrible. les voitures sont nulles, voilà. Mais bon, globalement, bah, tiens, Alex, puisque tu viens d'arriver, qu'as-tu pensé de cet hiver d'Aston Martin et Honda, et qu'as-tu comme espoir pour eux cette saison? qu'elle passe vite. non, mais globalement, bah, c'est, en fait, Honda a bien résumé, ils n'ont ni performance ni fiabilité. Et moi, je pense que c'est évidemment, il y a toujours ce débat sur est-ce que c'est Aston, est-ce que c'est Honda les fautifs. Moi, je pense quand même que les fautifs, on a vu ce débat la dernière fois, c'est plutôt Véranda. Et je repense encore à ce que j'ai dit il y a 2 semaines. J'étais quand même assez sceptique sur le montant Honda. Il faut savoir, donc, la racine du problème, c'est le retrait de Honda entre 2021 et 2023, quand ils ont annoncé qu'ils se retiraient de la Formule 1 avant de changer d'avis. C'est à cette époque que Red Bull a construit son usine de Red Bull Powertrains, en allant chercher, d'ailleurs, en allant recruter pas mal d'ingénieurs aussi de chez Honda. Donc, Honda, en fait, vu de l'extérieur, on pourrait dire, mais c'est bizarre, ils avaient le meilleur moteur l'an dernier, maintenant c'est la catastrophe. J'ai presque envie de dire, il y a 3 nouveaux motoristes en F1, vraiment quoi. C'est Honda, c'est un nouveau motoriste avec Audi et Red Bull Powertrains, parce que ils n'ont pas eu de ressources. Leur projet a été gelé entre 2021 et 2023. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont partis ailleurs et ils paient les errances dues au management de Honda et leur porte de saloon à partir et à revenir. Plus sûrement une part de déni. Ce qui ne serait pas la première fois, on avait eu la même chose en 2015, du côté de Sakura, où on n'avouerait pas vraiment être en retard, mais Andy Coyle a peut-être eu le même retard. Moi, je pense que c'est Newey qui doit être en furie, parce que s'il a rejoint Aston Martin, c'est peut-être qu'on l'avait un peu plus rassuré sur le moteur. Ou alors, on l'a menti. Enfin, il y a eu quelque chose qui a mal été géré là-dessus. Pour le moment, c'est le scénario de catastrophe. Il y a qu'à voir les têtes, là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rebondir? Et c'est ça. Est-ce que c'est déjà trop tard cette année? Est-ce qu'ils peuvent attendre un meilleur moteur en deuxième moitié de saison avec donc le dispositif de rattrapage de performance? Est-ce que ça suffira? Parce que la voiture, on a du mal à penser qu'elle est aérodynamiquement plus ratée que la Cadillac. On a du mal à y croire. Mais pour l'instant, c'est pas une voiture exploitable. Alors voilà, donc ça va faire encore une année d'attente pour Alonso, mais bon, il a l'habitude, à mon avis, en tout cas, au moins une saison d'attente. Donc, il y a même eu certains qui disent, voilà, je crois que j'en avais parlé au début, est-ce que ça vaut la peine d'aller à Melbourne? Donc oui, ça vaut la peine. Non seulement ils sont obligés contractuellement, ils peuvent un peu rouler en essai libre, c'est leur fait pas de mal. Par contre, voir l'arrivée, ça c'est une autre paire de manches. Mais bon, voilà, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches, ça va prendre du temps chez Honda, mais là, voilà, franchement, ils paient les erreurs du management, tant chez Aston, ça a vraiment, je pense qu'il y a eu une guerre d'ego, tout le monde a dû défendre son pain, sans se dire les choses, il y a eu beaucoup de changements senior management, hein, voilà, Whitmarsh, on a oublié, mais enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont partis comme ça, et puis Honda qui a fait des portes de revolver. Au final, ça pouvait donner, voilà, est-ce que c'est finalement si surprenant que ça? Bon, moi, j'avais des doutes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se rate autant. Voilà. Après, ils ont du budget, encore une fois, ils ont toutes les armes pour rebondir, mais ça fait des années qu'on dit ça avec Aston et Honda. Il y a eu aussi un signe inquiétant, et je termine par là, c'est que Lawrence Stroll a racheté à Aston 50 millions les droits d'exploiter la marque Aston. Ce n'est pas vraiment un signe de confiance. J'ai fini. Alors moi, Merci Alex, c'était sympa de revenir. Non, mais moi je vais me je demanderai Franck après, mais moi je suis pas du tout, enfin je sais que Honda n'a pas fait ce qu'il faut, je sais que Honda c'est totalement raté sur son moteur. J'aime beaucoup ton image des portes de saloon parce que c'est vraiment ça. Et en plus, ça me fait rire d'imaginer Koji Watanabe en train de rentrer façon saloon dans l'usine Aston Martin. Mais pour moi, Aston Martin a quand même des grosses, grosses lacunes. Déjà parce que le management tourne en rond et n'arrive pas à se stabiliser depuis des années. La boîte de vitesse, c'est eux qui la font, elle est catastrophique. Il n'y a pas de fiabilité, elle a du mal à assumer ce qu'on lui demande. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu pourrie. Et surtout, moi, je suis très déçu par le comportement d'Adrian Newey ces 2 semaines. Un fantôme. Il tire la gueule dans le garage, il tire la gueule sur le muret des stands, mais il n'a pas pris son rôle de leader, c'est-à-dire celui de dire, voilà, j'assume. Alors il a envoyé Alonso, Stroll, De La Rosa, Krack, tout le monde est parti au front sauf lui. Et franchement, en tant que team principal, qui est aussi actionnaire, encore une fois, les deux qui ne se sont pas mouillés, c'est le propriétaire et le PDG, enfin oui, le team principal. Honnêtement, je trouve que c'est un manque de leadership total. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens de chez Aston, mais moi, avoir un mec comme Newey qui arrive pour finalement Adrian Muet, comme dit Context Dany, mais pour avoir un mec comme Newey qui arrive dans l'équipe pour finalement avoir si peu de leadership, et est-ce que, bah, du coup, la question, c'est est-ce qu'il est vraiment à sa place? Moi, je suis assez déçu de la part de Niouet. Je ne suis pas sûr qu'il soit à sa place. Et ah, oui, Niouet, c'est contraste avec le discours en interne où ils disent que c'est un leader, etc. On ne voit pas tout aussi. Ouais, mais c'est sûr. En attendant, il a envoyé tout le monde au front sauf lui. Alors après, on sait bien que les généraux ne partent pas au front quand il y a de la casse, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils aient un peu de leadership. Et le management, par exemple, en sport, on sait que ça fonctionne. Moi, je suis un peu sceptique et je pense qu'il n'y a quand même pas eu assez de collaboration étroite avec Honda. Oui, ce que je disais la semaine dernière. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est pour ça que Cowell, en avis, a beaucoup payé, beaucoup payé là-dessus. Je pense que c'est pour ça que Newey a repris ce rôle-là, certainement peut-être de manière intérimaire. Je ne pense pas qu'il voulait franchement l'être. Mais en voyant, je pense qu'en arrivant, en voyant effectivement les chiffres catastrophiques que Honda a mis sur le papier aux gens d'Aston Martin pendant l'hiver. Et en plus, ils ont tenu, souvenez-vous, ils ont tenu une présentation de leur moteur en plus à Tokyo, au Japon. Pour moi, c'est juste quelque chose de pas compréhensible parce que on sait très bien que les gens de chez Honda, il faut les border à mort. McLaren le sait. Red Bull le sait, tout le monde le sait dans le paddock. Donc Cowell, qui en plus un ancien des moteurs, hein, donc le moteur lui ça lui parle hein, chez Mercedes, ne pas avoir su border ça, même si travailler avec des Japonais, on l'a déjà dit, c'est quand même assez particulier. Mais les Japonais quand ils ont un cadre, une direction et qu'ils doivent bosser dur, ils savent faire et ils l'ont prouvé ensuite qu'ils savaient faire un moteur. Après, je serais un peu moins tranchant que Alex sur la partie départ de tête pensante chez Honda, parce qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs japonais motoristes qui étaient basés à Sakura. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient partis du Japon pour venir en Europe pour le projet F1. D'autres constructeurs, en tout cas, ils ont quand même dû en garder une bonne base. Donc, pour moi, même si effectivement ils ont peut-être dû avoir un peu de pertes, je ne comprends pas l'ampleur des dégâts de ce moteur, en fait. Parce qu'ils ont quand même une bonne expérience de l'hybride, hein. Le moteur V6 sur... C'est même eux qui ont conçu le meilleur MGUH, parce que c'est en tout cas lui qui faisait référence. Bon, certes, on leur a enlevé, mais je comprends pas un tel problème sur le moteur en termes de refroidissement. En termes de récupération d'énergie, ce qu'on l'a dit en début de live, parce que c'est tombé le moteur qui n'arrive pas à régénérer au moins les minimums réglementaires de 250 kWh, il ne sait pas le faire. Alors qu'on peut monter jusqu'à 350 kWh sur les phases de freinage, et ça on en est loin. Quand on y arrive, c'est la boîte qui pète. Et là pour le coup. Là, c'est clairement du côté de chez Aston Martin que ça va pas. Ouais, il y a tellement de chantiers qu'effectivement, comme tu as dit, la voiture n'était pas exploitable. Moi, je dis qu'elle ne peut pas être exploitée. Parce que tant que le moteur Honda ne peut pas délivrer sa vraie puissance, sa vraie récupération, tu ne peux pas savoir ce que la voiture a dans le ventre, en fait. C'est impossible. Il y a trop de problèmes à résoudre en même temps qui fait que, comme tu l'as dit, je suis désolé, tu l'as dit sur le tour de la boutade pour commencer ton intervention, Alex, mais effectivement, je suis presque en train de dire que cette saison-là passe le plus vite possible. Mmh. Et que Honda puisse vraiment, je sais pas s'ils devraient refaire un moteur quasiment neuf, s'il le faut. Et Aston devra peut-être reconcevoir totalement une autre boîte qui sera certainement plus lourde pour résister aux contraintes. Pour moi, là, cette saison-là, elle est déjà grandement foutue. Même si Alonso a dit qu'il y aura des solutions, ce ne sera pas forcément à court terme, il n'y aura pas pour Melbourne. Honnêtement, pour moi, il n'y aura pas de solution avant plusieurs mois, hein, au minimum. Donc, là, il y a quasiment rien. Il y a zéro relais de course, il y a zéro long relais, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est Melbourne, s'ils sont qualifiés, s'ils ne font pas avoir les 107%, moi je pense pas. Ils font des relais de 10 tours en course et ils s'arrêtent, ils font des tests, ils changent de réglage pendant que les autres font leur course entre eux. Hein. Je serais vraiment pas étonné de voir ça. Hein. Non, globalement, il y a à peu près sur la dernière semaine, ils font l'équivalent d'une distance de course par jour. Donc c'est-à-dire que il y a vraiment pas. Et encore heureusement, c'est parce qu'Alonso sort une très bonne journée, je crois. Mais ouais. Quand on voit encore une fois la dernière journée. Le moteur, le problème n'est pas résolu, ils n'ont plus de pièces, ils reviennent, ils font « Oui, on va faire quelques courts relais », ils font 3 relais de 2 tours. Faut arrêter, enfin, au bout d'un moment, on se fout de la gueule de qui, je veux dire. En plus, il y a vraiment, enfin, Et oui, alors Phoenix nous dit, qui parie que Honda annonce se retirer en fin d'année, mais franchement, je serais même pas surpris. Je serais même pas surpris. Et pour moi... Non, non, il se retire en 2028 et en 2029, il développe le nouveau moteur pour 2031. C'est vrai. Et du coup, Aston Martin rebadgera le moteur Honda Aston Martin et commencera à gagner à ce moment-là. C'est... Non, non, mais pff, c'est... Et en fait, le problème, c'est que Aston Martin a tellement dit, à partir du moment où il y a l'annonce avec Honda, parce qu'ils ont quitté Mercedes, je le rappelle, parce que le statut de client leur convenait pas. Et ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est être une équipe d'usine, on va travailler avec notre motoriste, on va développer. Et à partir de là, quand on fait des promesses, à dire, on va travailler, développer la voiture pour notre motoriste, avec notre motoriste, si le châssis et le moteur vont pas bien ensemble, et si la boîte est pas capable d'encaisser ce que le moteur lui envoie, alors qu'il n'y aura pas toute la sauce. Alors qu'il n'y aura pas toute la sauce. Plus. Ben, à aucun moment, il y a quelqu'un qui a bien bossé. Et quand on voit, encore une fois, là où tu as des équipes qui font 6000 bornes en 3 semaines, eux, ils en sont encore à comprendre comment descendre de vitesse d'un coup. Enfin, je veux dire, c'est fou. Et le moment où Stroll fait un tête à queue l'avant-dernier jour, ou l'avant-avant-dernier jour, non, c'est l'avant-dernier jour, il descend deux rapports d'un coup et la voiture fait nimp. Enfin, elle perd le contrôle. Hein. Et franchement, alors déjà, pour moi, c'est double abandon à Melbourne. Mais il n'y a aucune chance qu'il soit à la fin. On met 20 balles là-dessus. Allez. 20 balles chacun, puis on se fait un resto à l'occasion. Mais... Non. Non, je ne suis pas sûr qu'on récupère notre mise. On récupère 20,10 à mon avis. Ouais, c'est là, ils avaient caché leur jeu, ils font doubler. alors là, ce serait le plus grand bluff de l'histoire. Là, j'arrête de faire de la F1. Là. Ah ouais, là. On parlait de curling, site, on parlait curling tout à l'heure, on fait nextgencurling.com. Nextgencurling.com. On va dire qu'on a été des bons experts sur ce coup-là. Ah non, on serait pas les seuls. Hein. Non, non, clairement. Bah déjà, Pedro de la Rosa et Lance Stroll, les premiers. Oui. Parce que... Non, non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, pour moi, il y a un monde dans lequel on les voit pas finir une course avant le mois de mai. Hein. Le temps qu'il y ait une vraie évolution, quoi. Ah, je ne mettrais peut-être pas 20 balles jusqu'au mois de mai. Non. Mais non, quand même pas. Mais ouais, c'est... S'il y a une course comme à Spa, où il y a trois tours derrière la voiture de sécurité... Mais ça marche. Mais je tiens à dire qu'il y a quand même une chose qui va bien, c'est la livrée. Et il fait beau. Il fait beau. Et à Bahreïn, il a fait un temps magnifique. Les conditions ont été idéales. Pour ceux qui ne voient pas le gag, c'est que Stroll avait dit après les essais de Bahreïn, il dit, bah, écoutez, au moins la livrée est belle et il fait beau. C'est les deux choses qui vont bien dans l'équipe. Et d'ailleurs, ouais, Warius Zero qui rappelle, effectivement, moi je l'ai vu aussi passer, cette télémétrie de Stroll, où la boîte a cru qu'elle était quelque part entre le 48e et le 60e rapport. Quand vous savez qu'il n'y a que 8 rapports sur une boîte de vitesse, c'est qu'il doit y avoir peut-être un petit paramétrage quelque part, une limite maximum du nombre de rapports qui n'a pas dû être défini dans le logiciel, je ne sais pas quoi. Et du coup, évidemment, la voiture s'est mise en carafe, quoi, donc... Ouais, ça c'est un bug logiciel évidemment, mais ça n'empêche pas que la boîte a quand même cassé sous le couple à 3 ou 4 reprises, je crois. Donc, et là, ils ont quand même mis le coup du roulage très limité du dernier jour sur le manque de pièces de rechange du côté des Honda, parce que c'est la batterie. Enfin, c'est l'avant-dernière batterie qui aurait lâché pour Alonso là, la veille. Ils en ont mis. Alors, je sais pas s'ils ont peut-être voulu la risquer la dernière sur le dernier jour, parce que peut-être qu'en se disant que zut, on a peut-être pas assez de batterie pour faire Melbourne aussi. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu risquer leur dernière batterie neuve disponible, voilà, parce qu'il faut peut-être le temps d'en reproduire aussi pour Melbourne. Et aussi ça qui se posait comme contrainte pour eux. Ils n'ont peut-être pas cassé leur dernière batterie. Je pense pas que leur dernière batterie elle était cramée en 6 tours sur le dernier jour. Ou alors là pour le coup c'est vraiment très inquiétant. Mais je pense qu'effectivement ils ont dû garder une ou deux batteries en stock parce qu'il y a Melbourne qui arrive et que vous faites pas des batteries. Soit ça, soit ils avaient une batterie qui n'était pas complètement morte et ils l'ont fait rouler. Mais ils en ont quand même passé 3 ou 4 hein, d'après ce que j'ai entendu. Donc, ouais, je pense. Hein. Lourd quoi. 3 ou 4 batteries en même pas 2000 bornes. Ah non, mais chaud. C'est chaud. Pour moi, c'est vraiment. Il y a deux voitures à faire rouler. <C'est ça. rire> Il n'y en a pas qu'une. Non, mais. En fait, je vois tellement le scénario catastrophe à Melbourne. Genre, soit ils sont pas dans les 107%, mais ça, quand même, j'ai du mal à y croire. Soit il y en a un qui prend pas le départ, ou double abandon sur la grille, ou une merde dans ce genre-là. Mais vraiment, enfin, ils ont pas fait d'essai de départ, quasiment, ou même pas du tout. Non, pas du tout. En bout de stand, je pense. Oui, voilà. Oui, et encore la voiture faisait des bruits. On a vu une vidéo. ça, le rythme, le régime était pas stable, ça claquait. Ça... Oh, C'est il y avait des si par contre il y avait un petit bruit de pop and bang presque rallye. Oui. Comme c'est mais, très marrant. Mais c'est pas très rassurant quand même. Non non. Une voiture de rallye, un anti-lag d'une voiture de rallye. C'est ça. À un niveau un peu plus limité quand même. Mais c'était la seule à le faire quand même. Mais normalement c'est pas un truc que t'entends au départ d'une F1. Bah non mais bon après c'est pas con, mettre un anti-lag façon rallye sur un turbo, pourquoi pas pour le tenir en régime, c'est pas con entre guillemets. Sauf que là pour le coup tu crames vraiment beaucoup d'essence pour faire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, mais voilà, donc en tout cas comme quoi, alors le tout premier GP de Barr n'avait pas été catastrophique aussi, nous demande Sobret et Delicate. Si mais c'était une nouvelle équipe. Ah non ils avaient racheté Tyrell pardon, mais bon c'était quand même, ils repartaient de très loin en fait. Aston, Aston, ils ont, enfin, je veux dire, c'est une équipe qui a gagné des courses en étant Racing Point, qui a fait des podiums en étant Force India, qui était vraiment une équipe à bout de souffle et qui avait pas une, une usine à 2 milliards, quoi. Donc, qui avait un moteur Mercedes. Déjà. Non, je pense que Newey, il a tapé de dépression quand il a vu le DRS de Ferrari. Moi, je dis ça. Je dis rien. Oui, c'est sûrement que c'est la goutte d'eau. Pourquoi j'ai pas pensé? Pourquoi j'ai pas pensé? Alors, peut-être qu'il y a pensé, mais que la voiture n'est pas capable de le tenir. C'est, ça fait trop de vitesse, le moteur n'encaisse pas. Non, non, mais bon. Mais bon, on se dit à Melbourne, la voiture pourrait être très différente. Elle sera très différente. Elle sera très différente, oui. Mais bon. Sur le plan de l'aéro, mais il va y avoir sûrement des compromis aéro faits pour le moteur. Donc, si pour rouler à 120 à l'heure, j'ai envie de dire, tu mets l'aéro d'un camion, ça va pas changer grand-chose. Hein. Après, on a tellement peu d'attentes hein, qui peuvent finalement presque que surprendre bien, quoi. Hein. Le problème, c'est que si c'est pour avoir des ouïes qui ressemblent à des persiennes sur le côté, c'est pas la peine non plus. Quoi. Oui, c'est très marrant ça, parce que dès que la température montait quelques degrés, on remettait les ouïes aérées. Et on trois roulages. Ouais. On commençait le matin, on finissait le soir avec le capot moteur normal. Et dans la journée, on était obligé de mettre le capot moteur hyper aéré. Donc, mais non, mais ce qui était le plus drôle, rappelle-toi, c'est qu'il y a un moment, le seul moment où ça s'est couvert en journée, genre une fin de la matinée, ils sont sortis avec le capot, genre sans ouïes. Et dès qu'il y a eu le soleil qui est revenu, ils sont rentrés au stand et la voiture est ressortie, elle avait genre ça d'ouïes à l'arrière. Donc bon, c'est. Ça prouve bien qu'il y a un énorme problème de refroidissement aussi. Et quand on se rappelle que par exemple la McLaren, parce que c'est la seule qui a cette configuration-là, n'a pas une seule Wii sur le côté, quel que soit le moment où ça roule. Et déjà l'an dernier, c'était pareil chez McLaren, c'était la seule à pas avoir de Wii jamais de refroidissement. Ils ont un refroidissement qui passe par l'arrière et par l'avant, mais pas par les. Après, les pontons de la Aston sont quand même magnifiques. Ça, faut pas le dire. Ça, oui. Faut bien le dire. Maintenant, voilà, ils sont. Et la livrée aussi. Maintenant, avec un moteur qui fonctionne dedans, ça doit marcher. Maintenant, voilà, je pense que Newey s'attendait pas à ce que ce soit une telle catastrophe. Bah, je pense qu'il a dû découvrir l'ampleur de la catastrophe au mois de novembre quand Cowell s'est fait. Il n'aurait pas rejoint Aston, mais on lui a caché des choses, hein, je pense. C'est pour ça qu'il a dû faire la guerre à Cowell, je pense. Bah, il a rejoint déjà... Aston Corp, il a signé en 2024. Hein, pour ouais, il a quand même commencé à bosser avec eux en avril 2020. Enfin, je veux dire, Newey, c'est bien de dire qu'il est arrivé tard et tout, mais ça fait quand même quasiment un an qu'il est là-bas, hein, qu'il est actif là-bas. Il a même pensé au concept quand il était au préavis, il l'a même avoué lui-même. Donc, Et son premier jour de boulot, il était en avril. Hein. Au bout d'un moment, Newey, on peut pas le enfin, moi, pour moi, on peut vraiment pas le dédouaner. Hein. Non. Parce qu'il est... Ah oui, il est devenu team principal en fin d'année, mais je ne peux pas croire qu'il n'avait pas connaissance des problèmes dans l'organigramme et des problèmes dans les relations avec Honda. Avant ça, il est designer en chef de la voiture et il était actionnaire. Donc, c'est pas... Faut pas oublier qu'un directeur de course, maintenant, c'est plus du tout un ingénieur comme avant, c'est un manager, quoi. C'est un manager, un mec de relations publiques, un manager interne, et un mec qui va parler aux médias. Et Newey, c'est pas du tout ça. Donc, effectivement... Hein, pas le seul à penser qu'il n'est pas à sa place. Peut-être qu'il a voulu juste un titre ronflant, mais qu'on n'a rien l'impression qu'il a tout modifié. Hein. C'est toujours pareil, on ne le voit pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir demandé ce nouveau poste, quoi. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Et il se met en première ligne de manière un peu étrange, alors que s'il était resté directeur technique, ben, on serait là. Voilà. Hein. C'est là, beaucoup moins le critiquer aussi. Ouais, c'est Cowell qui prendrait toute la merde sur lui. Et tu vois, je pense que ça parlait dans le chat tout à l'heure du principe de Peter qui est dans une entreprise, en gros, on fait monter les gens et le dernier échelon d'une personne, c'est celui où elle est le plus incompétente parce qu'au final, eh ben, tu dépasses ton seuil de compétence sur ta dernière promotion et les gens se rendent compte que tu as dépassé et que tu n'es plus compétent. Et j'ai l'impression que Newey, en voulant absolument arriver au Graal d'être le team principal, bah, est-ce qu'il n'a pas activé ça et où finalement, il se retrouve dans un endroit où ce n'est pas son taf. Ça fait 30 ans qu'il est en F1 et qu'il bosse à la droite du patron, mais il n'a jamais été patron. Et je pense. Et là, en plus, il a la double casquette et même la triple si on considère qu'il est aussi actionnaire. Là, tu juges trop tôt parce que, à un moment donné, quand il est arrivé en novembre, tous les problèmes étaient déjà bien connus, à mon avis. C'est des projets qui sont hyper longs. Le fait que le moteur Honda déconne, je pense qu'il le savait déjà bien avant. Mmh. Le fait que la boîte de l'Aston, elle soit, à mon avis, testée sur le banc, que ça marche pas très bien, je pense qu'il devait quand même y avoir des premiers retours en interne. Et je pense que c'est pour ça que Cowell a sauté. Oui. Donc là, je pense pas qu'il faille juger Newey pour. Là, au contraire, je pense que c'est la gestion de tout ça, parce que je suis désolé. Oui, par contre, sur le fait qu'il soit pas exprimé devant les médias, ça, effectivement, c'est. Ouais. Pour moi, c'est la première grosse faute. Même s'il déteste ça, même s'il aime pas ah ça. Ah ouais, mais justement. Si tu prends le rôle, tu assumes ce qui va derrière. Exactement, le rôle du team principal, on sait que t'es partout, tout le temps. Je veux dire, et ça, il peut pas dire qu'il tombe des nues. Tous les teams principaux. Le problème, c'est que tout le monde sait que c'est Honda, tout le monde le dit à demi-mot, c'est que l'équipe peut pas le dire comme ça si tu les froisses. Et si tu les froisses, tu sais très bien comment ça se passe. Comme ça s'est passé chez McLaren, c'est fini. Ouais, mais chez McLaren, c'est pareil, ils avaient pas tous les torts. Hein. Et en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que Honda, on peut les jeter sous le bus, mais à la fin, oui, alors ils ont des torts, oui, ils sont à l'autre bout du monde, et non, ça marche pas tout le temps, et oui, c'est compliqué de travailler avec eux, culturellement, on le sait, et Aston Martin le savait, ils ont engagé la relation avec Honda en disant, on sait que culturellement, on va devoir s'adapter, je me rappelle très bien des déclarations, et ils ont dit, on est prêt à s'adapter pour travailler avec eux, mais si t'en arrives à ce moment-là, au bout de quand même un an et demi de travail ensemble, c'est que tu t'es pas adapté. Et alors oui, Honda, certes, c'est compliqué, et culturellement, il faut les prendre avec des pincettes, on le sait, et le directoire de Honda est très tendu, ça a toujours été le cas, mais n'empêche que Red Bull a réussi à faire... Merci, Warren, pour la blague. Non. On sait que Red Bull a réussi à faire du moteur Honda le moteur champion du monde. Et, à un moment de l'exploitation des anciens V6, c'était le meilleur moteur du plateau. Donc, Waru, je sais pas si j'ai le droit de répéter ta blague à l'antenne, je pense pas. c'est pas possible. Ouais. On va la laisser en silence dans le doute, mais elle est pas non plus affreuse. Bon. Mais, non, mais on a vu pire. Oui, mais non, mais voilà, c'est vrai que moi je suis et je pense que. Oui, le GP du Hunchin, je pense que Alonso doit avoir sur le bout de les lèvres. Mais pour l'instant, je pense que Alonso... il reste bien à l'intérieur, mais je pense que ça le démange un peu quand même. Je pense que là, c'est Alonso, il attend de voir l'étendue des dégâts. Ouais. C'est ça. Il attend de voir l'étendue des dégâts, mais je pense que Alonso, quand il va se rendre compte que de la même manière qu'en 2017, à la quatrième course de la saison, il va abandonner avant le départ, tu vois. Je pense que ça va lui rappeler un petit peu. Il va avoir un PTSD façon. Bah, sinon, il reprend sa retraite pendant 2 ans, il revient en 2028, et puis voilà quoi. Non, attends, je suis Aston Martin, je lui dois un championnat, je lui ai vendu un projet. Ce serait pas con. Et comme ça, il participera aux essais jeunes pilotes à Abu Dhabi. Il met Tsunoda avec Stroll voilà, au bout de 3 ou 4 courses là. Hop. Et en 2027 aussi, quand ça marchera, il rappellera Alonso. Honnêtement, moi je suis Alonso, j'ai pas envie de me taper 2 ans ou 3 ans de galère comme ça si ça dure 2 ou 3 ans quoi. Après, Alonso, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que s'il part de la F1, il n'y a pas grand monde qui voudra le reprendre, je pense. Parce qu'il mais il attend que voilà, c'est Tsunoda et Stroll qui se démerdent à dégrossir le truc. Et quand ça commence à marcher, Tsunoda relaisse sa place à Alonso et c'est tout. Ouais, mais il aura 45, 46. Il s'est dit tout à fait en forme. Oui, bah, moi, c'est pareil, ça. Je veux bien qu'on me dise Alonso, le mythe du pilote. Attention. Non, au bout d'un moment, j'ai envie de défendre aussi Alonso parce que le pauvre. Faut dire quand même qu'il a quand même vachement bavé sur sa carrière. Mais c'est ses choix. C'est son comportement aussi. Ouais, hein. Je suis d'accord, mais Aston Martin, Honda, Newey, je veux dire, personne n'imaginait il y a 15 jours, 3 semaines, dire ce qu'on est en train de dire là ce soir. Sur cette équipe. Je m'attendais vraiment pas à débriefer Aston Martin, Honda en 11e équipe avec des problèmes tellement insolus qu'on parle peut-être de 1 an à 2 ans avant de pouvoir espérer quelque chose de correct. Quoi. Non, bien sûr, personne n'aurait imaginé fiasco et évidemment... Que lui, mais à l'époque où il est arrivé, il n'y avait même pas encore de Newey, il n'y avait pas encore de Honda et tout ça. Donc Aston Martin, il l'a choisi en 2022. Hein. Et à l'époque, il avait 42 ans, 40 ans. Donc voilà. Et je pense que le truc d'Alonso, il a de la chance malgré tout. Alors après, ça reste un excellent pilote. J'ai un respect immense pour sa carrière et je dis ça vraiment avec beaucoup de. Tu dis ça, c'est qu'il va y avoir. Non, mais oui, parce que je vais dire des propos qui sont assez violents. J'ai des propos qui peuvent un peu être froissants. Mais je veux pas qu'on me dise que t'es un anti-Alonso, je sais pas quoi. Non, Alonso, il a une super carrière. Il aurait pu avoir 5 ou 6 titres s'il avait fait les bons trucs au bon moment et s'il avait eu un peu de réussite, parce qu'il y a des moments où ça lui a pas réussi malgré des super saisons. Et je pense que 2 titres, c'est un peu dommage, il aurait pu en avoir plus. Mais 1, il y a des choix de carrière qui lui sont imputables et qui lui ont coûté cher. parce qu'à un moment, il était quand même, faut oublier qu'à un moment, dans les années 2010, il était persona non grata chez Red Bull et Mercedes, qui étaient les deux équipes dominantes pendant toute la décennie. Et aucune des deux voulait le recruter malgré son talent. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est quand même que on ne sait pas son niveau actuel. Parce qu'on dit Hamilton, il est complètement à la rue parce qu'il est battu par Leclerc. On dit l'an dernier, Hamilton était en difficulté parce qu'il était battu par Russell. D'accord, mais c'est Russell et Leclerc. Si on met Alonso face à Russell et Leclerc, je ne pense pas qu'il fasse un 24-0 comme il a fait face à Stroll. Et oui. Donc, la cote d'Alonso, elle est quand même un petit peu rehaussée par le fait qu'il est face à Stroll. Et je ne pense pas qu'une équipe prendrait le risque de le reprendre. Ou... Et même à Aston Martin, quand il aura 46 ans, au bout d'un moment, il y aura sûrement du mieux comme profil à trouver. Hein, Aston a d'autres problèmes qu'Alonso en ce moment. Oui, mais si Alonso commence à dire, moi j'attends un petit peu et tout ça, c'est dans le... C'est dans l'hypothèse où ils disent, je comprendrais qu'à 44 ans, il n'ait pas envie de se faire chier à repartir en fond de grille. Parce que là, c'est vraiment c'est le retour en arrière de 10 ans. Et je comprendrais qu'il n'ait pas envie de ça. Minardi. Est-ce que tu crois qu'il peut glisser un transat dans les ouïes, Il va partir avec une galerie de toi. Mais au cas où il abandonne au bout du circuit. Mais. Oui, c'est vrai que potentiellement, il va faire les pires résultats de sa carrière ever, puisque chez Minardi, il se qualifiait des fois aux alentours de la 18e place. Non, mais pour le coup, c'est pas un pilote que j'ai toujours beaucoup soutenu, parce que, politiquement parlant, je trouve qu'il était affreux des fois. Oui, mais en début, Mais là, honnêtement, c'est le coup de massue que je trouve qu'il ne méritait pas. Pas pour finir sa carrière, quoi. Non. Voilà. Début 2023, tout le monde aimait bien le voir enchaîner des podiums, c'était quand même sympa. Non, moi le premier, j'aurais aimé, pour l'histoire, j'aurais aimé qu'il remporte une 33e victoire, parce que, alors du titre, je dis pas, c'est compliqué tout ça, mais j'aurais aimé qu'il remporte une 33e victoire, parce que voilà, c'est Alonso, et c'est quand même dommage de le voir avoir commencé en 2001, et que voir sa dernière victoire date de 2013, c'est pas la carrière qu'il aurait dû avoir, mais je pense que sa vision court-termiste, et la manière dont il s'est empressé au fur et à mesure de sa carrière à changer d'équipe pour essayer d'être dans la bonne, il a brûlé beaucoup de ponts, hein, comme disaient les Anglais, et je pense qu'il a. Le Paris Ferrari était quand même pas si mal, hein, parce qu'il loupe le titre, pas grand chose. Oui, et il en loupe deux fois, Donc, pour le coup, ce pari-là était quand même plutôt réussi. Dont 2012, où je pense qu'il est largement le meilleur pilote de la saison. Après, c'est à chaque fois cette Honda qui l'aura bien fait précipiter, hein, McLaren Honda. Tu m'étonnes qu'il n'avait pas eu Honda. C'est pour ça, d'ailleurs, il a été vu dans une Toyota Yaris à Monaco, donc je pense que clairement. Mais bon choix, la Yaris WRC. Ah, pas le WRC, GR, pardon. GR, ouais. Ouais, peut-être que c'est une future reconversion. Non, mais bon, c'est vrai que. Enfin, si vraiment c'est la catastrophe annoncée, je suis même pas sûr qu'il aille au bout de la saison. Honnêtement. C'est une vraie question. Ouais, pour moi, c'est une vraie question. Enfin, le problème, c'est qu'effectivement, il y a quand même un système qui fait que le développement du moteur, il est quand même pas totalement libre si vous vous êtes raté. Quoi. Il est possible, mais il est long, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui m'inquiète, parce que si Honda, ils arrivent vraiment aussi largués que ce qu'on a pu voir en essai à Melbourne, oui, en aucun cas, vous rattrapez ça en 6 mois, voire même un an. Hein. Sauf s'ils font vraiment une exception en termes à la commission à faire en disant, bon, si vous voulez pas qu'Honda se barre, il faut quand même peut-être leur lâcher un peu de lest. À voir comment ça peut se négocier aussi derrière, quoi. Parce que là, ça me paraît compliqué, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Newey a exposé directement les vrais problèmes de Honda à la commission F1. C'est là que Newey a révélé les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Après, c'est selon Ron Benson de la BBC, qui est toujours très très faible. Voilà. Oui. C'est même pas une question de règlement, c'est une question de est-ce qu'ils sont en capacité de le faire au bout d'un an, hein, parce que c'est pas sûr non plus. Oui, c'est ça. C'est pas faux ce que tu dis. C'est qu'en plus de ça, il faut quand même aussi le développement qui va être offert par le système. Et on a fait un article là-dessus, enfin justement sur le fait que oui, il y a le règlement, oui, il y a New Way et tout ça, mais pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'Aston va réussir à redresser la barre dans l'année, quoi. Donc, ouais. C'est qu'on a le contexte d'Annie qui dit 20€ sur Aston qui se fait prendre un tour par Cadillac. Mais non, ils n'iront pas assez loin en course pour ça. C'est assez terrible, franchement. Ça fait mal au cœur un peu, parce que je reviens voir une cinquième équipe jouer un peu les troubles faits, quoi. Ça fait trop longtemps que ça se joue à 4. Ça aurait été bien que ça se joue à 5, puis après plus tard peut-être à 6 avec Audi et d'autres. Mais là, malheureusement, la cinquième, c'est pas pour tout de suite. Ouais, complètement. Complètement. Non, ça va être compliqué. On va pouvoir, messieurs, passer au pronostic, je pense. Des pronostics, cette fois, éclairés par un hiver complet de tests. Donc, notre top 3 pour Melbourne. Ouais. Top 3 pour Melbourne. Et moi, notre top 11 des équipes et notre top 3 pour Melbourne. Ah. Ouh, top 11 des équipes. Ah oui, comme ça, je vous prends un peu à dépourvu, là. Allez. Et après, on le mettra dans la conversation qu'on a sur WhatsApp et comme ça, on pourra le ressortir en fin de saison. C'est ça. Mais on peut modifier les messages sur WhatsApp. Moi, je me lance, on verra je les dates de modification. Je me lance sur mon top 11 équipe. Ouh, allez. Attention, c'est parti. Ouais, c'est pas juste, il a préparé. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai juste le tableau des chronos de la compil que j'ai fait devant moi. De toute façon, je suis assez clair. Donc, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Et attention, Haas, Williams, Alpine, Racing Bulls, Audi, Cadillac et Aston. Ah ouais, dernier Aston, ok. Ouais. Tu veux que j'y aille ou tu veux y aller, Alex ? Non, vas-y. Alors moi, je vais dire Ferrari, oula. McLaren, Mercedes, Red Bull, je vais dire Haas aussi en cinquième. C'est là que j'ai un doute. Je vais dire Audi en 6ème, Racing Bulls en 7, Williams en 8, Alpine en 9, Cadillac en 10 et Aston en 11. Ah ouais, c'est violent. C'est violent, mais c'est violent, tellement de retard en début de saison que je les vois pas. Et là, on parle du classement des constructeurs à la fin d'année. On est d'accord. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est des gros pronos à long terme. Là. Ah oui, non, là, on se mouille un peu, voilà. Donc moi je dirais Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren. Ensuite je vais dire, c'est difficile. Je vais dire Haas. Ensuite je mettrai Alpine. En 7, je vais mettre Williams. En 8, Audi. En 9, Racing Bulls. En 10, je vais mettre Aston. Et en 11, Cadillac. Wow. Bon, c'est avec ça, on n'a pas envoyé Alonso à la retraite avant la fin de l'année. je suis le seul à mettre Audi plus haut que la 8ème place, du coup. Mais j'hésitais un peu aussi sur Audi, mais bon, je vois un peu des. C'est vrai que moi, As Audi en 5 et 6, j'avoue que c'est un peu. Mais bon. Après, ça peut être une belle bataille à 2025. Hein. Ça peut être une belle bataille sur quelques points. Hein. Ça peut être très serré. En cours championnat. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt pour la victoire de Gabriel Bortoleto à Las Vegas, c'est pour ça. Non, mais en plus, c'est notre prono sans avoir vu des vrais relais de course, des vraies courses et tout. Donc, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est marrant. Voilà. Peut-être qu'on pourra imaginer le refaire après le 4ème Grand Prix. Et puis, on verra si on a besoin. Je crois qu'à la fin de la dernière émission, l'an dernier, on a fait des pronos pour le Grand Prix d'après, c'est-à-dire Melbourne. Oui, je crois. J'ai pas revu, mais je crois bien qu'on avait fait ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas ressorti. Ben on ressortira après Melbourne. Ouais. Comme ça, on pourra comparer, nos pronos de fin 2025, ceux de maintenant et la. Allez, votre top 3 pour Melbourne. Mais là, c'est pour le coup, c'est pas moi qui me lance en premier. Bah, viens, on fait un ordre inverse. Vas-y, Alex. Donc, moi, j'ai dit premier victoire de Russell au bout d'une saison de domination, je pense. ensuite Leclerc et ensuite Verstappen. Moi pour Melbourne, je dis victoire de Leclerc, devant Hamilton et Russell. Faut pas s'enflammer, hein. Mais moi je suis pas tifosi, j'ai le droit. Moi ça sera Alonso, un mec qui a compris. Bottas et Joe. non, ben de la Rosa. Ben moi je partais sur un Leclerc Hamilton aussi. Ah. Et un Norris en troisième. Il y en a qui parlent avec le cœur. Ah, moi, je vais vous dire, j'ai une vraie. Non, honnêtement, c'est plus que le cœur. Ah oui, il y a le cœur aussi, évidemment. Mais honnêtement, ça a bien déroulé quand même, c'est privé. Moi, je vois. En fait, moi, je vois le doublé Ferrari parce que je les vois prendre un départ de fou, se mettre devant, et je vois une course un peu délicate sur la gestion, les dépassements. Et s'il pleut, il y aura encore plus de difficultés à dépasser leur trajectoire. Donc, voilà. Je vois un doublé Ferrari. Moi, je pense que Mercedes, on est en réserve. Je pense que Ferrari en a réserve aussi. Ouais. Oui, mais Mercedes en a plus en réserve. Peut-être que McLaren en a encore plus et que c'est Norris qui va gagner, mais ça j'y crois moins. Peut-être qu'Aston en a une réserve énorme. On n'a jamais vu une aussi grosse réserve. Ah, bah, chez Aston, oui, c'est en termes de marge. Je pense qu'en termes de puissance, ils sont sur la réserve, il me semble. Mais, oui. Non, voilà. Bon, bah, c'est, messieurs, c'est, je crois qu'on a officiellement lancé cette saison avec les pronostics. On est hypé de fou. Prono pour la pole à Melbourne, je dis George Russell. Ah, on nous demande dans le chat. On va faire des essais libres aussi. Mais non, mais c'est Hamilton, drôle, moi. Hamilton. Ouais. Ouh. Alex, tu as un poleman. Oh non, bah moi j'ai Russell toujours. Hein. Ah ouais. Alors toi, tu vas vraiment Russell homme fort du début de saison. Enfin, de la saison, ouais. Peut-être. Là-bas, je vois bien Mercedes, oui. Ouais. Ok. Après, on sait encore une fois que les performances vont varier. Ça va être très intriguant, très intéressant à voir de course en course, quoi. Parce ouais. On tire des conséquences des solidaires ouais. de Bahreïn, mais Melbourne, c'est évidemment pas le même circuit. C'est complètement différent en termes d'énergie, donc déjà. Mmh, c'est vrai. Zoans dit Ocon et Jargassi sont top 3 de Melbourne. Écoute, ah ouais, chauvinisme a accepté. Ça, c'est la. Ça, c'est le grand chauvinisme c'est détecté, grand. On va dire. Détecté, mais bon, on accepte ici. C'est la course de karting de la FFC. Écoutez, Denis, pour la pole, ne dit pole, dit resta, évidemment. Voilà. Oh, Mathieu dit Max pour la pole. Ouais, là, c'est... Bah, pourquoi pas hein. Bah oui, si le déploiement d'énergie est aussi bon que tout le monde le dit, sauf Red Bull, pourquoi pas. Mathieu dit je vois une Mercedes en tête au premier tour, mais la safety car. Ça sera pas la safety car. Ils ont même plus d'Aston. Ils ont même plus de safety car Aston. Ce sera la safety car Mercedes parce que les Aston auront calé sur la grille. Donc. Ah oui, les Aston préfèrent la vraie safety car. Mais... Est-ce que ça, c'est fiable? Tous les 10 tours, ils se retrouvent dedans. Ouais, t'as un tour. Ce McLaren nous dit un doublé McLaren pronostic en toute subjectivité. Mais tu as bien raison, moi je serais le premier à le vouloir, mais bon. J'y crois ah non, pas mais trop. Manu, il a joué quand même pro, là. Oui. Moi, j'espère voir les McLaren très bien, mais je pense qu'en début de saison, ils seront un peu en retrait. Et je... Tu t'es habillé en rouge aujourd'hui, c'est oui, mais regarde. Ouais, ouais. J'ai un t-shirt McLaren en dessous. Il se cache derrière. C'est Superman. Parce que c'était moi. McLaren Man. Parce que c'était moi. En fait, le prochain titre de McLaren, si on fait la règle de 98, si je parle du titre constructeur, c'est en 2052. Oui, mais j'avais déjà dit à Manu pauvre. Tu as planté le couteau en novembre et tu le remues maintenant. Quoi. Ça, c'est ses dernières années avant sa retraite, normalement. Ah, terrible. Terrible. Bon. Bon, bah, en tout cas, c'était notre présentation de la saison 2026. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qui se passera à Melbourne. Nous, on se retrouvera pour une émission en débrief du Grand Prix d'Australie. Et puis voilà, d'ici là, évidemment, vous aurez toute l'actualité, comme d'habitude, sur Next Gen Auto. On fera évidemment la même chose que d'habitude. Vous aurez en début de semaine prochaine la présentation du Grand Prix d'Australie, comme à chaque fois, avec les enjeux, les horaires, et puis nos pronostics qu'on remettra dedans, évidemment. Voilà, et puis des horaires évidemment qui vont être un petit peu délicats comme chaque début de saison à Melbourne, puisque là, ça vaudra le coup de se lever. Ouais, et c'est libre à 2h du matin. Même pour les libres. On vous les fera suivre. Et puis je me lève pas pour les libres 1 et libre 3, mais je crois que cette année je vais me lever. Ah là, il faut, hein, je pense. Ouais. Même Alonso va se lever alors. Il a pas le choix, lui. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, oui. Ah, vous me verrez en qualif, ça suffira bien. On a pas cette pièce de rechange, je laisse à Lance. On n'a pas un jeune pilote à faire rouler. Jacques Confort doit faire tous les libres cette année. Ce serait pas con, hein. Tu fais tous les jeunes pilotes et tout le début de saison. Tu prends un pilote payant. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Bah, merci à toutes et tous d'avoir été nombreux ce soir pour cette émission. Merci Franck, merci Alex d'être venu pour parler d'Aston Martin et puis donner tes pronostics en direct. Merci tout le monde. Une excellente saison 2026 à tout le monde. Ouais, tout à fait. Et à très bientôt. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Ciao. Bye bye.